Guillaume, tu te réveilles en sentant une coulisse qui te coule le long de la cuisse. Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Ah! Paladin niveau 66. Archimage 55. Ok, vous avez continué à jouer toutes les semaines depuis 15 ans. À tous les postes, soyez prêts pour hyperatomique exponentielle. Scotty, il me faut la puissance maximum. Alors, est-ce qu'on m'entend? Oui, longtemps. Ah, voilà. Donc, bonjour à tous. Bienvenue à Puissance Maximale sur les ondes de CJMD FM 96.9 à Lévis. Et oui, mesdames et messieurs, après ce petit problème technique, et mon retour, enfin, à l'émission. D'ailleurs, je m'excuse pour la semaine passée. Un petit problème de santé qui est maintenant réglé. Et de retour en pleine forme pour vous animer une super émission encore chargée, mesdames et messieurs. D'ailleurs, mon nom est Michael Michaud, votre animateur, et je tiens à saluer Monsieur Andrew Castegan qui est à la console. Salut, Andrew. Bonjour, Monsieur Michaud. Ça va bien? J'ajuste mon son, j'ai un petit pic dans mes écouteurs. Fait que si ça s'entend à la radio, ça va être résorbé dans pas long. C'est juste le changement de micro qui m'a pas fait. Et voilà, ben c'est pas grave, Andrew. On s'ajuste toujours et constamment quand on est à la radio comme ça. Des petits imprévus, ça arrive. Et là, Andrew, cette semaine, ensemble, on va surtout parler nouvelles ludiques. Mais moi, de mon côté, après la première chanson, je vous ferai un petit coup de gueule, mesdames et messieurs. En fait, je vais vous faire un éditorial, si on peut appeler ça, contre les geeks qui sont cheap. Donc, vous allez voir, je vais développer ça en revenant de la première chanson. On va vous reparler encore de Grand Theft Auto pour la simple et bonne raison que là, cette semaine, on a pu goûter un peu là, à la version online. J'ai pu jouer un gros 1h30. Ouais, ben, j'ai eu, en tout cas, moi, un peu plus qu'une heure et demie. J'ai quand même eu la possibilité d'essayer quelques trucs et bref, tout n'est pas rose avec Grand Theft Auto. Vous le verrez au courant de l'émission et bien évidemment, vous aurez de l'excellente musique comme à notre habitude de Puissance Maximale. On vous a préparé quelque chose d'assez solide. On vous rappelle rapidement en début d'émission que Puissance Maximale, eh bien, c'est un site internet, le www.puissancemaximale.com. Vous pouvez aller chercher toutes nos anciennes émissions, entrevues et autres podcast audio que vous pouvez aller écouter sur notre site internet. On vous invite également à aller nous aimer sur Facebook. Donc, vous tapez Puissance Maximale dans la barre de recherche de Facebook et vous allez nous trouver très facilement. Appuyez sur le bouton j'aime parce qu'on vous aime, mesdames et messieurs. Mais aussi, grâce à ça, vous allez avoir des nouvelles exclusives beaucoup plus rapidement via Facebook. Et en même temps, on vous rappelle que nous sommes l'émission officielle de GeekFest Québec qui a été annoncée. Ça s'en vient, mesdames et messieurs. Et on sait pas, là, on nous a glissé à l'oreille avant le début de l'émission. On a peut-être des dates pour vous, mesdames et messieurs. Et un lieu. Et même un lieu, ouais. Même un lieu. Donc, surveillez ça pendant l'émission, ça pourrait sortir, disons, pendant une rubrique de nouvelles ludiques. Mais je dis ça comme ça, ça risque d'être plus en deuxième heure. Ouais, peut-être. Peut-être. Donc, on ne sait pas, on va voir si on est sympathique ou pas. Voilà, donc restez à l'affût pour ça, mesdames et messieurs. Et là, Monsieur Castegan, comme à notre habitude, on va commencer en musique. Et avec quelle chanson on commence? Mozart versus Skrillex de Epic Rap Battle of History. Eh oui, mesdames et messieurs, d'ailleurs, le premier, en fait, épisode de la saison 3 de cette série sur YouTube, Epic Rap Battle of History, est sorti et c'est Hitler versus Darth Vader 3. Donc, vous pouvez aller écouter ça sur les internets. Mais pour le moment, on vous envoie Mozart contre Skrillex et vous entendez ça à puissance maximale sur les ondes de CJMD 96.9 à Lévis. CJMD FM, la musique vous vous en voulez? En voilà! La seule station sur la rive sud. Vous aimez ça? Ben, en voilà encore! Et ça donne qu'on a les artistes d'ici aussi. La cerise sur le Sunday. Je suis content de mon ouvrage, mon métier, je suis bien payé. Ouais ben, c'est ça, hein. CJMD 96.9. La seule radio sur la rive sud. Marcus et Alex, les deux snooze. Hey Joe, c'est quoi ça, les deux snooze? Deux snooze, c'est deux gars qui font de l'humour, sont excellents dans ce qu'ils font. Non, ils font pas de l'humour, ils font du divertissement. Font-tu de l'humour? Ah non, on fait du limit talk. C'est du talk, là. Semi-écrit, puis penchant vers le drôle. Va falloir checker ça. OK, c'est quand ça, les deux snooze? C'est à 10h le soir, puis ne pas décrocher à 10h le soir, c'est dur, mais les autres réussissent à nous faire rester. Les deux snooze. Jeudi, 22h à minuit. La saison est finie, c'est maintenant le temps des séries. La période où les joueurs ainsi que les goalers rangent dans leurs armoires tout leur kit de rasoir, puis de crème à raser, puis de pince à épiler. C'est mal vu d'être imberbe, il faut être comme des hommes des cavernes. Pour ne pas perdre la face, faut avoir du poil d'en face, une moustache charnue, une grosse barbe poilue, comme Éric Desjardins, Lanny McDonald, puis Denis. My name is Skrillex, man. Welcome to the Devil's Den. I'm a scary monster, up in this bright and frilly pants. You're a weirdo, Whoopi. You're into powdered wigs and poo. And your cousin blew notes on your little magic flute. Your daddy issues make the Jackson 5 look like the family circus. You might have been a genius, but you died broke and worthless. I'm rich, acclaimed, and famous. I'm a playlist, I'm the A-list. You're the lamest, kiss my ass. I'm a dance. Was that a verse, or did you just get the hiccups? I'm a prodigy, Sonny, and I'm about to smack a bitch up. My music is 200 years old, and it's still excellent. In 2 more months, the world will forget about your Skrill excrement. I can't believe the way you dress when you dubstep out of the house. You're like an emo Steve Urkel, and you reek of dead mouth. I am the world's greatest composer, no one knows what you are. Except a lonely little troll who knows how to press a space bar. I attack, you decay, can't sustain my releases. Sidechain, wolf gang, bangarang you to pieces. I'm a self-made man. Global, my strobes glow like Chernobyl. Kids explode and get mobile. No one even knows you. I make the whole world move. You play community theater. I gain your same fame from home on a blown out speaker. Oh yes, I've heard that EP and see I transcribed it. Yeah. Tell me, what comes after the 68th measure of diarrhea? And what kind of drugs does it take to enjoy this? I've no idea. I've seen more complexity in a couch from IKEA. You go piano to forte easyissimo. That means soft to very, very loud. Cause I'm guessing that you didn't. Bonjour, ici Philippe Despalières. À chacun de mes voyages au Québec, j'écoute Puissance Maximale. Et oui, de retour à Puissance Maximale. Et là, on m'entend bien, je crois. Oui, on t'entend bien. Excellent. Donc, après, vous avez vu, on a eu un petit problème avec la mise en onde automatique, mais tout est réglé. Donc, vous avez entendu Skrillex versus Mozart de Epic Rap Battle of History. Et là, mesdames et messieurs, il est temps de vous faire un petit éditorial. Et oui, à la sauce Puissance Maximale, eh bien, on en a déjà fait un en deux parties à un moment donné, moi et Andrew, sur l'industrie du jeu vidéo. Son manquement, comment je pourrais dire ça, d'intérêt. Au code d'honneur. Ouais, ben, d'intérêt, de véritable intérêt, en fait, auprès des consommateurs. Mais là, mesdames et messieurs, aujourd'hui, je m'attaquerai aux consommateurs. Et là, je parle des geeks en général, mais principalement des geeks cheap. En fait, c'est en parcourant les internets, principalement Facebook, que je vois plusieurs remarques que je trouve un peu plates. Du monde qui trouve tout le temps que c'est trop cher, que toutes les affaires qui sont proposées, c'est cher, puis que là, ah, c'est cher, puis que là, c'est trop cher. À un moment donné, on en vient à bout. Et là, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que moi et Andrew, en fait, et d'ailleurs, je tiens à saluer Marie-Camille Carrier, qui est avec nous en studio. Salut, Marie-Camille. Hello. Et les trois, on a agi, et certains d'entre nous continuent d'agir comme organisateurs d'événements ludiques. Et je peux vous dire que en termes de temps et d'argent, ça demande énormément de trucs. Et c'est pour ça que ça me fâche quand j'entends des gens, quand j'entends, surtout quand j'en lis, en fait, des gens qui vont se plaindre constamment du prix des événements. Écoutez, je vais vous expliquer quelque chose de bien simple au niveau des événements ludiques au Québec. C'est une réalité qui est assez différente de celle des États-Unis. Les événements ludiques, geeks, au Québec, la plupart, la grande majorité, pour ne pas dire il y en a juste deux, trois là, dans la province qui font pas ça, c'est organisé par des OSBL, donc des organismes sans but lucratif, et qui ne font pas une christie de scène avec ça. En fait, tout ce qu'ils veulent, c'est faire leur événement et en faire profiter le plus de personnes possible. Vous avez le droit, vous avez toujours le droit de dire qu'un événement valait peut-être pas l'argent que vous avez payé. Ça, des critiques constructives, j'ai absolument rien contre ça. Mais entendre quelqu'un dire « Ah, ça coûte de quoi? » Moi, ça me fait capoter d'entendre ou ça. Ou encore, quand l'organisme en question fait des activités de financement et que vous allez à toutes les activités de financement, que vous payez le montant que ça coûte pour y participer et qu'après ça, vous êtes surpris de payer votre billet à l'entrée. Parce que dans le mot activité, dans l'expression activité de financement, il y a activité aussi. Donc, vous payez un certain montant, il y en a une partie qui va à l'organisme qui fait l'événement, mais il y en a aussi une partie qui est pour l'activité à laquelle vous avez participé. Donc, quand vous allez justement dans une activité comme, mettons, moi, Piendrou, avec l'équipe de Cap et Kimono à l'époque, on avait organisé ce qu'on appelle à Lévis le L Gamer, donc un tournoi de jeux vidéo avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de consoles, beaucoup de TV, on avait de la bouffe sur place, on avait même un super prix pour le gagnant final qui était une Xbox 360 Elite neuve, encore dans son emballage. Avec, une dizaine de locations gratuites qui venaient avec, ou cinq. Oui, effectivement. Puis ça on avait un commanditaire à l'époque. Oui, c'est ça, mais puis là, les gens pensent qu'avoir des commanditaires, c'est magique, et non. D'ailleurs, on vous rappelle, mesdames et messieurs, qu'à CJMD, il y a toujours possibilité d'acheter de la visibilité et d'en profiter, justement. Mais c'est ça aussi pour l'émission, on en cherche également tout le temps la visibilité, et les gens pensent que c'est facile d'avoir la commandite. Ça l'est pas, ça prend beaucoup de travail, puis il faut être... Il faut performer à l'avance, comme nous autres, à Puissance Maximale, on exige, tu sais, on pourra pas demander d'avoir du financement, ça va être de qualité, mais on sait, ça fait 5 ans que Puissance Maximale est en onde. Ben, 6, c'est vrai, qu'on est en onde. Donne les bonnes statistiques, Michael. Ouais, c'est ça. Ça fait 6 ans qu'on est en onde, puis on sait qu'on a un produit de qualité. On se le fait dire tout le temps. On rencontre des gens sur place. On est connu aussi. Ben oui, effectivement. Justement, sur la scène des événements geeks, il y a beaucoup de monde qui nous connaissent. Donc, il faut travailler aussi pour ça. Donc, pour l'événement, on avait chargé, c'était pas très cher, je pense que c'était 5$ pour rentrer. 5$. Puis 5$, c'est pas juste pour participer au concours, là. Ça, les gens payaient pas pour participer au tournoi, là. Tu payes 5$, tu rentres, t'as accès à, on avait environ, il y avait la planche jeux vidéo aussi qui nous avait aidé, qui nous avait fourni des consoles rétro. Ben là, sur place, il y avait environ, je me rappelle bien, facilement une quinzaine de consoles. Puis là-dessus, vous aviez du Dance Dance Revolution, vous aviez du Call of Duty sur écran HD. Guitar Hero, Rock Band, Mario Kart, Super Smash Bros. Brawl, un Atari avec Pac-Man dessus, bien sûr. Il y avait du stock. Mais les gens pensent que c'est magique organiser des trucs de même. Ça avait pris beaucoup de temps, du voyageage en auto. Ça, c'est tout payé par les gens qui sont bénévoles. Là. Andrew, du gaz, il y en a payé là, dans cette année-là. Là. Puis... les gens pensent que c'est magique. C'est ça qui me fâche quand j'entends justement des gens dire ça coûte 5$. Hey, 5$, c'est rien pour, premièrement, tout ce qui vous est offert. C'est quand on organise des événements comme ça, c'est là qu'on se rend compte finalement que c'est pas cher à payer. C'est pour ça que des fois, je vois des gens qui font. Puis en même temps, c'est quelque chose à avoir aussi sur les médias sociaux. Des gens qui trouvent que, disons, il y a un événement. fait un événement pour un truc à Montréal. Disons. On est à Québec, on est à Lévis. Puis là, quelqu'un qui répond, « Ah, je vais y aller si tu me payes mon transport. » Non. Arrange-toi pour monter. Si t'as pas d'argent, tu y vas pas, c'est tout. Je veux dire, oui, c'est beau. Moi, je suis un passionné, geek. Sinon, je ferais pas d'émission. Là. Puis à chaque année, nous, vu qu'on est bénévole, on voyage partout au Québec de façon bénévole pour aller voir des événements. Puis imaginez, là, ça fait 6 ans que Puissance Maximale existe. Et là, on commence à songer à l'idée de commencer à offrir au festival, de nous offrir sur une base volontaire, de nous payer notre déplacement. C'est même pas exigé, là. Non, c'est sûr qu'on va y aller, mais si vous avez la possibilité de donner un peu de sous à Puissance Maximale, qu'on puisse venir, ça nous aiderait grandement. Parce que nous, ça nous coûte des sous, puis c'est tout payé de notre poche. Puis on sait pas qu'on chiale, justement. On y va pareil, parce qu'on aime ça. Mais ça devrait être la même chose pour les geeks qui vont là pour le fun. Moi, j'ai manqué des événements depuis 2 ans parce que j'ai pas toujours les sous pour y aller. Et j'assume complètement, je sais pas, ben voyons, c'est ben trop cher. C'est pas à cause de l'événement que c'est cher. L'événement doit être le prix qu'il est pour survivre. Ça, faut comprendre ça. C'est la même affaire dans l'industrie du jeu, du divertissement, que ce soit geek ou non. Faut être conscient que si on veut pas dépenser, ben les gens en produiront pas de produits de qualité. Puis moi aussi, en même temps, j'aurais une autre chose à rajouter. Il y a une chose que moi, je trouve inacceptable aussi dans l'univers des geeks cheap, c'est la comparaison festival envers un autre festival. Bien, tout à fait, parce que les festivals sont pas tous du même calibre. Ben, il n'y a pas juste ça, c'est qu'ils sont pas tous du même calibre, puis c'est pas toute la même réalité aussi. Ben on oui. sait pas, en arrière, l'administration, qu'est-ce qui a été donné, qu'est-ce qui a été reçu, le contexte de création, tout ça. Une OSBL pure à 100%, je vous dirais que c'est quasiment impossible qu'ils fassent un événement à 5$. Non. Pour un événement d'envergure comme un gros festival comme J'ai animé, exemple, là, qu'on est déjà allé. Là. C'est possible si la personne dit, ben écoutez, les locaux, je vous les laisse gratuitement. Parce que ça coûte une fortune d'avoir des locaux pour des événements comme ça. Parce qu'évidemment, on va avoir quelque chose d'envergure. On veut offrir de la diversité. Alors, on n'ira pas faire ça dans la salle communautaire de Saint-Lin. Là. Ça nous prend quelque chose de gros. C'est de la logistique qui se prépare à l'année longue. Ben oui, c'est toute l'année qu'on pense à ça. Donc, et en plus, imaginez, les organisateurs, quand ils finissent une édition, ils sont pas en congé, là. Ben non. Ils travaillent déjà sur l'édition d'après. Il faut faire le bilan, premièrement, le bilan financier, le bilan des activités, on recueille les commentaires, il y a un debriefing, et après ça, tout de suite, recommence la prochaine édition. Les gens pensent que parce que c'est bénévole, tout le monde fait ça à temps perdu. On fait ça la semaine longue, on y pense constamment. Donc, dire que les événements sont trop chers, ça se peut. Ça se peut que vous n'aimiez pas ce qui est présenté, mais habituellement, les gens qui font ces activités-là, c'est à la scène près. Ils vous demandent pas trop d'argent. En fait, ils pourraient vous en demander plus à la limite. Je veux dire, on va dans un festival, là, on pense à Otakuton, à Janime, on paye 40 quelques dollars pour une fin de semaine de temps, avoir accès à du visionnement 24 heures dans plusieurs festivals. Je parle d'Otakuton ici. Avoir des activités à la longueur de journée assez diversifiées. Avoir accès à une galerie marchande avec plein de trucs que vous pourrez pas voir souvent comme ça dans la même place, en one shot comme ça. Je veux dire, ça vaut de l'argent, tout ça. Puis un mince 40, 45, même des fois 50$, ça vaut amplement la peine de le payer pour tout ce que vous allez avoir. C'est sûr que vous avez, si vous êtes de l'extérieur, vous avez l'hôtel, vous avez le restaurant, mais c'est une sortie. C'est ce qu'on appelle quelque chose. C'est du luxe quand même, puis il faut l'assumer. Là. Puis dans le prix de votre entrée, il n'y aura pas de budget pour les organisateurs. Là. Leur seul salaire, ça va être sinon une pointe de pizza à la fin de l'événement. Oui, habituellement, les organisateurs aussi se payent eux-mêmes leur bouffe. Là. Il faut, c'est pas l'organisation qui paye. Puis même, il y a des gens qui pensent que les artistes qu'on va inviter dans ces événements-là sont payés de façon faramineuse. Moi, j'ai parlé avec beaucoup d'organisateurs, puis moi, il y a souvent, entre autres dans le cas des YouTubers, les célébrités de YouTube, ça demande pas beaucoup, là. Habituellement, ce qu'ils veulent, c'est que leur déplacement soit payé, leur hôtel, puis la bouffe. Pas tout le temps, en plus. Ouais, c'est ça. Pas tout le temps. Comme dans le cas de Brent Oflush, généralement, il demande pas la bouffe. Il veut un toit, puis un moyen de se rendre. Puis des fois, il y en a même qui disent pas obligé d'être l'hôtel, là. T'as un gars cool qui veut m'émerger, là. Pas de trouble avec ça. Ça se peut, ça. Mais j'ai comme l'impression qu'Antoine Daniel, ça, c'est ce genre-là. J'ai été responsable des invités pour Capé Kimono et je peux témoigner, Mike, que ce que tu affirmes, c'est totalement vrai. On compte beaucoup sur la générosité des invités pour faire baisser le coût de production pour le festival. Mais ça, c'est une drôle de dualité. Là, on y va une discussion plus large que les geek cheap, là, mais on parle des coûts, donc, pour que les gens réalisent. Écoutez, des fois, il ne faut pas penser. J'ai été des deux côtés, en fait, des trois côtés, moi. J'ai été festivalier, j'ai été organisateur, et là, maintenant, je suis média quand je me présente dans ces événements-là. Et il faut être conscient aussi que c'est... Avoir des invités dans le cadre, disons, de conventions, dans le genre de Janime, Otakuton, Capikimono à l'époque, ce qui se fait dans ce genre-là, les invités, c'est pas toujours si important que ça, tu sais. C'est pas si important qu'on pense dans ce genre d'événement-là. Contrairement à des trucs comme Geekfest, où souvent c'est plus généraliste, où c'est le gros truc... Comic-Con à Montréal, qui est elle a explosé dans les trois dernières années au niveau des entrées. C'est malade, là. Moi, je suis allé, la dernière fois que je suis allé, c'est la dernière édition qu'ils ont faite à Place Bonaventure. C'était fou raide. Moi, Pietro, on y était. C'était complètement débile parce qu'ils n'ont pas pensé qu'il y aurait autant de monde que ça. Et c'est l'année où il y avait eu Stan Lee, qu'il y avait eu Burt Ward et Adam West. Tu sais, des gros noms. Puis là, l'année passée, puis cette année encore, le nombre... Mais ce genre de convention-là, qui est une convention à l'américaine, ben là, à ce moment, c'est vraiment autre chose. C'est une autre formule. Et eux sont là pour faire des sous, contrairement aux autres genres de conventions. Mais donc, c'est juste parce que tu avais cité Geekfest, puis là, tu as switché à Con Bravo. Geekfest, c'est pas identique. Il faut que tu fasses attention. Non, mais je parlais de conventions généralistes au début. Là, je suis allé pour Comic-Con parce que c'est un gros événement, puis c'est pas le même genre d'événement, justement. C'est un exemple connu pour la majorité de l'auditoire. C'était juste pour enlever la zone grise de peut-être certaines personnes auraient mal compris. Oui, tout à fait. Non, c'est pas la même envergure, puis c'est pas le même genre de convention. Non, Geekfest, c'est plus une... je connais juste le terme japonais, là, Konnobaka, là, qu'ils utilisent. Là, c'est relax, il y a quelques invités, quelques panels, mais c'est plus pour aller s'amuser. C'est un genre de party geek. C'est ça, on n'est pas à la course pour aller voir tout plein d'activités en même temps. C'est un autre genre. Moi, j'aime ça beaucoup, beaucoup. Et souvent, ça a tendance à être un petit peu plus adulte. Un petit peu. Ben, mais... c'est ça, mais qu'est-ce qui est fun, c'est que quand tu as le goût d'aller manger, ben, tu n'as pas besoin de regarder ton horaire et faire comme mon Dieu, je vais manquer telle affaire. Généralement, tu fais je m'en vais manger. On s'en voit tantôt pour une bière. C'est en plein ça. Donc, généralement, il y a de l'alcool en plus. Oui, il y a la possibilité de. Ça, c'est un autre débat. L'âge des festivaliers dans ce genre d'événement-là. Mais tout ça pour dire que finalement, quand on comprend l'argent que ça coûte pour organiser ce genre de trucs-là, ça explique beaucoup les coûts. Et. Faut être conscient quand on poste quelque chose sur Facebook, sur Twitter ou autres réseaux sociaux, d'être conscient qu'il y a beaucoup de monde qui travaille là-dedans, puis que les coûts demandés, c'est pas exorbitant, c'est ce que ça coûte pour que le festival habituellement réussisse à faire ses frais et encore. Puis s'ils font des profits, c'est réinvesti dans l'événement d'après. Ça fait que si vous voulez continuer à avoir des événements, allez-y. Mais en même temps, quand je parle aussi des geek cheap. J'en parle souvent à l'émission, mais j'en reparlerai. Quand on est consommateur, je dis pas qu'il ne faut pas critiquer. Au contraire, faites-le. Mais faites-le intelligemment et faites-le de façon constructive. Et responsable. Et responsable en assumant ce que vous dites. Donc, si vous allez dire qu'un événement, c'est de la chenoute et que ça s'arrête là, ce n'est pas une critique constructive. Dites, écoutez, l'événement m'a déplu cette année pour telle raison. Les organisateurs ne font jamais la sourde oreille, en tout cas les bons organisateurs, ne font jamais la sourde oreille à ce genre de commentaires-là. On prend toujours ça en note parce qu'on veut savoir ce que vous aimez. C'est ça que les gens normaux font. Donc, si vous vous dites juste que ça a été de la chenoute cette année, j'y retournerai plus. D'ailleurs, c'est jamais vrai, parce que ça, c'est un gros problème aussi de la communauté. C'est que les gens disent que c'est de la chenoute. Et là, on peut parler de jeux vidéo aussi. Là, Call of Duty. J'amène la franchise Call of Duty. C'est pas bon. C'est tout le temps la même affaire. Mais il y a tout le temps des files d'attente pour aller acheter la copie quand elle sort, par exemple. Ça, c'est un peu épais. Mais là, moi, je vous parle d'être un consommateur intelligent et cohérent dans ce que vous dites et dans ce que vous faites. Donc, si vous n'aimez pas un jeu, peut-être attendre quand le deuxième titre de cette franchise-là va sortir, peut-être attendre qu'il sorte en usager pour le tester ou le demander à un ami. Pas obligé d'aller dépenser 60$ tout de suite pour le jeu. T'sais. Soyez intelligent. De toute façon, il y a plein de belles boutiques où vous avez la possibilité d'aller acheter de l'usager. Et habituellement, dans ces boutiques-là, je parle pas des eBay Games, ces affaires-là, où c'est le fun parce qu'il y a la possibilité, mais les gars sont beaucoup trop débordés. Puis je sais pas, en tout cas, je sais pas comment c'est organisé dans ces boutiques-là. Contrairement à des trucs comme justement Free Game, où on en a sur la rive sud, sur la rive nord à Québec, où on a tout le temps des gens, on a le temps de parler avec ces gens-là, puis ils nous disent leur opinion, puis ils vont nous conseiller. Des fois, c'est prendre le temps aussi. Un jeu vidéo, là, c'est comme un morceau de linge. Si vous ne connaissez pas la franchise, vous en avez entendu parler par des amis, vous ne l'avez jamais joué, demandez donc des conseils. Ça se fait, ça. Et allez magasiner de façon intelligente, puis arrêtez de garrocher votre argent par les fenêtres. Puis après ça, vous regrettez d'avoir payé un 60$ pour un jeu neuf, que finalement, c'est pas votre genre de jeu, parce que vous n'avez pas posé la question. Ah, la pochette est belle. Ah, ils en ont parlé. Il y a une fille pas très vêtue dessus. Ça doit être un bon jeu, ça. Non, c'est ça. Il faut magasiner de façon intelligente à ce niveau-là. C'est qu'après ça, chialer que ça m'a coûté 60$ pour un jeu que finalement j'aime pas. Je fais. Maintenant, entre autres, Puissance Maximale, il y a tellement de bons médias, de personnes qui en font des critiques de jeux vidéo. Puis souvent, ça, c'est la joie d'être à Puissance Maximale. On n'est pas encore une émission au niveau national. Donc, on a le temps de vous répondre, mesdames et messieurs, si vous avez des questions. Ça va nous faire plaisir. Et ce qui est le fun avec la radio, en tout cas au niveau où est-ce qu'on est présentement, on a le temps d'en parler. Vous voyez, là, je fais une chronique, un coup de gueule. Ça doit faire 20 minutes qu'on en parle. Puis c'est ouais, il est 18h27. Ça fait à peu près une vingtaine de minutes. Pis c'est ça, c'est ce qui est le fun, c'est qu'on peut développer notre argumentaire et tout ce qu'on a à dire sur un point. Et c'est pour ça, mesdames et messieurs, aussi, que les critiques à 5 minutes sur Internet ou dans d'autres émissions, des fois, c'est moins intéressant. Profitez-en donc pour écouter. Il y a juste Pro Jared qui est bon là-dedans. Ben, c'est, ouais, mais c'est qui fait des critiques en une minute. Ouais, c'est ça. Mais quand même, en tout cas, bref. Puis ce qui est le fun, c'est qu'on est deux, trois, quatre, qu'on est capable de discuter de nos différents points de vue sur un jeu. Mais ça, même des fois, on a même nos invités qui restent pour parler avec nous. Ben oui, en plus. Donc voilà. Écoutez, on pourrait en parler des heures. Des heures et des heures. Mais bref. Soyez intelligents, arrêtez de critiquer de façon gratuite les événements, surtout si vous y êtes jamais allé, juste parce que ça coûte quelque chose. Chacun de ces événements-là, c'est juste que les organisateurs ne veulent pas payer de leur poche pour que vous fassiez du fun. Je suis sûr qu'ils voudraient. Si tout le monde avait 1 million dans ses poches, être millionnaire, je vous en organiserais une convention, ça ne coûterait rien à personne, puis tout le monde serait du fun. Mais la réalité est plus parce qu'il va y avoir des danseuses et de l'alcool. Non, pas les danseuses. L'alcool, le soir, pas de problème avec ça. On s'organisera de quoi? Concept à élaborer. Oui, c'est ça. Concept à élaborer. Mais c'est tout ça pour dire qu'il n'y a personne vraiment dans cette communauté-là qui est riche. Donc, si vous voulez continuer à avoir des événements, soyez constructifs et surtout, payez le juste prix pour vos événements. C'est tout. Voilà, c'était l'éditorial de Michael Michaud. Et nous allons aller en musique Castegan maintenant, et nous allons suivre avec une autre excellente chanson. Et là, ça un peu en concept avec ce que je viens de dire, parce que oui, il y en a donc ben des Mongols, et c'est de François Pérusse. On vous envoie ça à Puissance Maximale sur les ondes de CJMD 96.9 à Lévis. CJMD 96.9, la radio qui s'implique dans sa communauté. CJMD FM, la radio qui s'implique dans sa communauté. Yadidita! Yadidita! À gauche, à droite, tout le monde de la rue, à côté de toi, y'a des Mongols. Tu l'ouvres une porte, petit, tu vois pas de l'autre côté. Un Mongol, c'est qui parle quand que t'allumes la télé. C'est un Mongol, puis de qui parle. Un Mongol, pour être rasé où est-ce qu'on est rendu, il nous a fallu des Mongols. Les cours d'histoire, les dictionnaires sont remplis de Mongols. Une personnalité en réalité, c'est un Mongol. Qui c'est qui mène le monde et puis l'économie? C'est des Mongols. Pour être président, c'est quoi le prérequis? Être un Mongol. Et avoir dans sa famille et dans ses amis beaucoup de Mongols. Quand on est Mongols, on réussit. Pas part de ça, les filles, les gars, ceux qui sont fifs, ceux qui sont pas. Tous ceux qui habitent sur les autres planètes, si jamais y'en a. Jusqu'à preuve du contraire, on est tous des Mongols. Hey, assieds-toi n'importe où, puis attends. Je te dis que t'attendras pas trop longtemps. Demain, tu vas voir, il va poser un Mongol. Salut. Y'en ont mais des Mongols. 1, 2, 3, 4. Nous sommes les Chicken Swell et vous écoutez la puissance maximale avec Andrew! Et oui, Andrew, on écoute Puissance Maximale avec toi, entre autres. Et oui. Là, on va y aller justement avec toi. Ben, et... excuse-moi, je vais juste faire quelque chose. Parce que t'avais oublié de me spécifier. Oui. Il y avait un blanc. Fait que je vais juste faire une transition tout de suite. Ah ben, tout à fait. Parce que sinon, j'ai peur qu'un auto-promo parte. Fait que si ça part, c'est pas de ma faute. D'accord. Ben, écoutez ma... c'est bon, c'est correct. Ma sensuelle voix pendant qu'Andrew fait ses trucs. Alors, Andrew, on va y aller en nouvelles ludiques. Et on va commencer par une super bonne nouvelle, en fait. C'est notre ami Daniel Marcoux qui est venu parler à Puissance Maximale il y a deux semaines de son projet Heroes Cards, qui est un, on vous rappelle le concept, là, qui est une carte de fête que votre enfant pourra recevoir et qui donne avec ça un code pour avoir accès à un jeu personnalisé. Ouais. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que M. Marcoux s'était lancé dans un crowdfunding, donc un financement par le peuple. Oui, sur un site qui s'appelle La Ruche. Et là, M. Marcoux a atteint son objectif et l'a même dépassé, Andrew. Il est maintenant vendu à 105%. Ah, ton roulement de tambour était des plus convaincants. Oui, je sais. J'ai fait un cours de 8 ans en bruitage. Non. Donc, 105%. Félicitations, Daniel. On est vraiment contents. En espérant que l'émission t'ait permis d'avoir augmenté substantiellement tes ventes. Mais il reste encore 8 jours. Il reste 8 jours, c'est ça, en plus, à toute la campagne. Vous pouvez continuer à financer Daniel pour qu'il puisse justement continuer avec son projet. Et donc, voilà, allez-y sur La Ruche. Andrew, je vais même te mettre sur le cas de remettre l'adresse plus tard, un peu dans l'émission, la prochaine chanson, pour que les auditeurs puissent avoir accès. C'est en train d'être fait. Excellent. Donc, on vous rappelle sur le Facebook de Puissance Maximale. Vous voyez, là, quand je vous dis que vous avez des nouvelles plus rapides, ben, en même temps, quand vous écoutez l'émission, ben, vous avez des trucs comme les adresses de nos amis qui viennent à l'émission pour nous parler de leur projet. Donc, ça s'en vient sur le site, bien évidemment. Sinon, pendant qu'Andrew fait ça, une autre nouvelle, une petite nouvelle rapide. Tales of Arts R. Donc, Tales of Arts R. Parce que moi... C'est-tu un jeu de pirate? R. R. Et non. C'est la version pirate. Ouais, c'est ça. Est porté sur iOS. Donc, dans le catalogue iTunes japonais, c'est un titre, Tales of, qui est de la compagnie Namco. C'est une série de jeux RPG japonais, donc qui sera disponible sur iTunes japonais. Et là, je suis en train de chercher la date sur le site, parce qu'on vous rappelle en même temps que la plupart des nouvelles dont on vous parle est tirée du site jeuxvideo.com. Parce qu'ils sont en français. Oui, parce qu'ils sont en français, très, très bien renseignés. Ça nous empêche de faire de la traduction d'articles en live, des fois qui peuvent donner des résultats un peu boiteux. Et voilà, donc là, je cherche la date, mais de toute façon, en même temps, ça sera pour le Japon, c'est un peu... En même temps, moi, j'annonce ces nouvelles-là, je trouve ça correct, mais je ne suis pas un grand joueur, je l'ai déjà dit, en fait, je ne suis pas un grand joueur portable, en fait, sur que ce soit sur la Vita ou sur la Nintendo 3DS ou 2DS, hein, ce qui s'en vient... Mais je trouve toujours ça le fun quand on a un titre de franchise qui s'en va sur plusieurs plateformes. Ça permet à plusieurs personnes de pouvoir la découvrir, pas juste justement sur la console d'origine du titre, donc sur iOS au Japon. Donc si vous êtes au Japon, vous écoutez Puissance Maximale, ben sachez que ça s'en vient pour vous. Mais là, il y avait eu quand même... Il y en avait eu sur un partage sur la PlayStation Vita, puis il y a eu quand même des critiques assez ordinaires quant au remake 3D du titre. Donc là, j'ai hâte de voir que... En tout cas, on pourra peut-être pas le voir, on fouillera sur Internet pour le trouver, si ça aurait été corrigé pour la version iOS. Mais bref, voilà, c'était une petite nouvelle comme ça, en passant. Monsieur Castegan, vous êtes toujours en train de chercher? Non, je suis en train de faire un autre post d'un autre projet qu'on a essayé qui est en crowdfunding et présentement ça va pas très bien, fait qu'on va essayer de leur donner un petit coup de pouce. On parle ici de God Factory Wigman, un jeu qu'on avait essayé lors... Ben, ça va, ils ont quand même ramassé un bon montant, mais c'est pas assez, c'est pas leur objectif. Puis on rappelle que Kickstarter... Ne donne pas l'argent si l'objectif n'est pas atteint. Donc on parle d'un objectif de 70 000 70 000 $ sont à 24 973 puis il reste 8 jours, donc profitez. Partagez, donnez l'info à vos amis. Il reste 8 jours pour atteindre 70 000. Et voilà, donc allez donner des sous pour ce super... En tout cas, nous, on l'a testé, on vous le rappelle, au Warp Zone 6. Donc, c'est un super bon jeu. On a bien hâte de le voir fini, puis de voir tester ça en gang aussi. On rappelle un jeu de pilotage dans l'espace. Et voilà, allez les aider. Monsieur Castegan met ça sur le Facebook de Puissance Maximale. Autre nouvelle, Assassin's Creed 4 n'aura pas de DLC sur Wii U. Je trouve ça toujours plate, ce genre de nouvelles-là, pour la simple et bonne raison que la Wii U, on en parle souvent à l'émission, maudit qu'il manque de titres, il manque de viande à cette console-là. On a parlé, moi puis Andrew, du potentiel du gameplay de la console, entre autres à cause du gamepad, de la manette avec un gros écran tactile. Ce que ça permet aux développeurs de jeux, c'est vraiment, vraiment intéressant. Sauf que, bon, on connaît tous le problème de la Wii U avec son hardware qui est un peu en retard sur les autres générations, quasiment une génération et demie en retard. Mais bon, on peut toujours composer avec ça. Mais là, on manque de jeux. Puis là, quand je vois des trucs comme ça, qu'on a un bon jeu, en tout cas, quand même une bonne série, là, à part Assassin's Creed 3, mais ça, on en a déjà parlé. Donc, un nouveau jeu d'une bonne franchise qui s'en vient, puis que les gens n'auront pas accès de DLC... Ça rajoute pas d'atouts à la console. Donc, parce que là, ça a été annoncé justement hier, si je me rappelle bien, les DLC pour Assassin's Creed 4 et aussi la Season Pass. Ben, justement, ben, dans les supports, ben, il n'y avait pas la Wii U. Donc, on est un peu triste d'apprendre ça. Voilà. Est-ce que vous avez une autre nouvelle, M. Castegan? Oui, mais maintenant que j'ai fini de faire mes petits posts d'intérêt public. Injustice, Gods Among Us, j'avais fait mention de quelques rumeurs comme de quoi qu'il y aurait un portage sur PS4 et Vita. Ah ouais. C'est confirmé, l'édition ultime de Gods Among Injustice, dans le fond, le jeu qui contient tous les DLC. Je vais juste dire Injustice. Non, c'est ça, Injustice. Mais qui contient tous les DLC, dans le fond, il va être disponible sur Vita, PS4. Dans le fond, j'ai pas de date par exemple, mais ça devrait être d'ici la fin de l'année normalement. J'ai hâte de voir ça déjà, qui est très très beau sur les consoles actuelles. J'ai hâte de voir si leur version Next Generation va être. Ah, ben j'ai la date ici, 29 novembre 2013. Hourra! Donc, on vous rappelle que début mi-novembre, là, sortiront les prochaines consoles. On parle de la PlayStation 4 et de l'Xbox One. Vous pourrez vous procurer. Ils n'ont pas parlé d'une politique, donc vous avez déjà le jeu sur l'autre console. Puis non. Dommage. Il y a déjà eu des annonces pour ça, pour certains jeux. Donc, bah, c'est dommage un peu. Mais bon, si vous ne l'avez pas et vous achetez votre nouvelle console, vous êtes amateur de jeux de combat, ça vaut vraiment la peine. On le rappelle, le Story Mode est vraiment excellent. Beau graphisme. Les contrôles sont quand même assez... C'est pas trop compliqué. C'est un peu de button smashing, mais pas trop. Bref, en tout cas, moi, je trouve que ça vaut vraiment la peine. On avait donné quand même une bonne note, je me rappelle bien, lors de la critique. On avait bien aimé ça, mon Piendrou. Donc, profitez-en. Les personnages en DLC sont intéressants aussi. Ouais, mais je sais, j'ai pas suivi beaucoup ça, vu que moi, les DLC, trop de DLC, ça me fait souffrir. Batgirl est vraiment excellente, surtout son super combo, là. Zatanna, je ne l'ai pas encore essayé, mais je l'ai téléchargé suivre. Ah, ben c'est bon, ça. Tu pourras nous en parler, Andrew, que tu te fasses péter à gueule par... Jamais, ça n'arrivera jamais. Mais sinon, petite dernière nouvelle rapide, oui, peut-être, M. Michaud? Oui, avant de retourner en musique. On aime ça parler de crowdfunding, un projet Kickstarter que je n'avais pas vu passer, que je viens de voir la nouvelle, et personnellement, j'en suis très content. Il y a eu un Kickstarter pour River City Ransom Underground, qui est un genre de jeu beat'em all qu'il y avait à l'époque sur la NES. Un de mes beat'em all favoris, en fait. J'aime beaucoup de Battletoads, j'aime beaucoup Double Dragon. J'allais dire Donjons et Dragons, mais c'est pas exactement la même chose. Mais t'haïs pas ça non plus. J'haïs pas ça non plus. Mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Mais River City Ransom, c'était un beat'em all qui vraiment m'a marqué à l'époque du NES, où on jouait un personnage, je me rappelle plus de son nom parce que ça fait extrêmement longtemps que j'ai joué, qui devait retrouver sa copine en se battant contre des brutes. Des brutes dans la ville, dans Ransom City. River City, je veux dire. Et j'aurais trouvé ça bizarre, mais une ville qui s'appelle Ransom City. Ouais, c'est River City, je me suis trompé. Ville pas clean et bord des portes. Et dans le fond, il y avait dans le fond une petite équipe de production de Ottawa qui avait parti. En fait, le studio s'appelle Conatus Creative, qui voulait racheter les droits pour pouvoir faire un genre de remake plus de ce jeu-là, qui s'est appelé le nom que je vous ai dit. Et voilà, 6 heures a terminé son Kickstarter avec 217 643 $ donc pour un objectif de 180 000. Donc le jeu va voir le jour sur confirmé PC, Mac et Linux sans DRM. Excellent. Ben, j'ai un petit problème au niveau de l'usage, M. Kessigan. J'ai eu un petit hockey. D'accord. Ah, merci beaucoup. C'est vrai que les bitamores de l'époque, les rétro bitamores sur Super NES, sur la NES, sur Sega, ça a un petit côté. Je sais pas, les bitamores d'aujourd'hui, ils m'attirent moins. Je sais pas pourquoi. Mais il faut dire que Scott Pilgrim vs. The World, sur laquelle j'avais joué sur PS3, qui était qu'on pouvait aller chercher sur, sûrement, qui est encore disponible d'ailleurs, sur le PlayStation Store, j'avais vraiment, vraiment beaucoup aimé ça. Peut-être à cause de la facture rétro. Je le sais pas, mais bref. C'est un petit côté le fun, mais dans le projet, j'imagine que tu n'as pas eu le temps de regarder beaucoup, là, savoir si ça allait avoir justement une facture rétro. Oh oui, c'est rétro comme le jeu de la NES. Là. Oh, excellent. Ah non, ça. T'sais, c'est juste que dans le fond, c'était comme à l'époque de la NES, sauf que je dirais peut-être version Super Nintendo. Donc, dans le fond, c'est avec en 16 bits à la place. Oui, c'est ça, au lieu de 8 bits. D'accord. Ah, mais merci beaucoup, Andrew, de nous avoir parlé de ça. Et maintenant. Avant de retourner, de continuer en nouvelle ludique, mais on va y aller en musique, mesdames et messieurs, avec un artiste que j'aime beaucoup, Monsieur Mononcle Serge, et on va entendre une chanson qui s'appelle Chez Frank. Vous entendez ça à puissance maximale sur les ondes de CJMD FM 96.9 à Lévis. Marcus et Alex, les deux snooze. Ben, je pourrais nous considérer comme obèses, tu sais, quand même assez. On dit-tu les vraies affaires ou pas? Oui. Je pensais que t'allais dire on se considère comme étant plus gros que la moyenne. Je pensais pas que t'allais aller direct dans l'obèse. OK. OK, oh boy. Maintenant qu'on est fatso un peu. Là. Les deux snooze. Jeudi, 22h à minuit. En bataille, les mains qui tremblent, une haleine de cheval mort. La tête dans le cul de linge qui pue hier, ça finit ben trop tard. La gorge sèche, les yeux vitreux, les dents qui s'entrechoquent. Crise que la vie est rough pour l'homme qui se donne au rock. Veux-tu ben me dire comment m'en faire pour reprendre du service à soir? Ça fait que je m'en vais chez Frank, m'acheter de la poudre qui crinque. Miss Météo, colissement high. Annonce 3 grammes de neige à soir. Ça fait que ma souffleuse est stand-by. C'est la même qu'André Boisclair. Oh yeah! Le cœur au bord des lèvres, la casquette de plomb, les jambes molles. L'estomac à l'envers, des croûtes de barf qui sèchent sur le bord de la bolle. On a beau être au mois de novembre, dans mon crâne, c'est le 11 septembre. Au bout du rouleau, je suis plus capable, mais le rock n'est pas raisonnable. Il se sac bien de mon état, il me réclame au combat. Ça fait que je m'en vais chez Frank, m'acheter de la poudre qui crinque. Just 9, 10, Recreation Studio. I'm Yun. I'm Andrew. And I'm Mike. You're listening to Puissance Maximale. Oh oui, Puissance Maximale dit par des anglophones, c'est de même que ça sonne. Et c'est Andrew qui a récolté ça pendant sa visite à Con Bravo cet été. Qui devrait être en ligne cette semaine, là. Ouais. Arrêtez de m'envoyer des courriels. On va pouvoir... Non, continuez, bombardez-le. Et là, M. Castegan, on va continuer de te bombarder parce qu'on veut des nouvelles ludiques. Des nouvelles ludiques? Ben, j'en ai pas. Non, c'est une blague. Bon, ben l'émission est terminée, mesdames et messieurs. À la semaine prochaine! Mais bref. Tu vas être content? Ah oui? Ben, en fait, il y a deux possibilités. Soit tu vas être content ou soit tu vas t'en foutre éperdument. La DualShock 4, compatible PC. Non, je suis pas... écoutez, je m'en fous pas. Je saute pas au plafond non plus, mais je trouve ça vraiment le fun. Ben parce que on sait que pour la en tout cas, dans les limbes de l'Internet, on peut trouver en fait des petits logiciels qui vont faire que votre manette de PS3 va marcher sur votre PC. OK, j'ai pas réussi encore. Il faut que je gosse un peu, mais c'est possible. Mais là, est-ce qu'il parle genre... C'est natif. C'est natif? Sony va la faire compatible avec Windows. Oh, ben là, AFI Valguero. Là, on utilise j'utilise des expressions populaires ici pour manifester ma joie. Mais non, c'est vraiment le fun, ça, par exemple. Qu'est-ce qui est écrit, en fait, c'est « En somme et dans l'immédiat, la nouvelle mouture de la DualShock de Sony sera reconnue à l'allumage de votre PC et ses sticks analogiques comme ses boutons fonctionneront sans problème. » Ah, ben c'est le fun. C'est vraiment... Ben, ça va faire ce... Ben, ça coûte... À place de t'acheter une manette on the side là, pour ton PC, pour tes jeux... Ça coûte les bonnes manettes pour PC. Il y en a de moins en moins. Ouais. Fait que... Ben, la plupart des gens qui jouent PC, c'est souris-clavier, hein? Ben, c'est ça. Ben, t'sais, des jeux comme Devil May Cry, là, ça se joue bien avec une manette. Oh oui, c'est ça. C'est pas... Il y a des jeux sur PC que, je m'excuse, mais tu joues puis t'as le goût d'avoir une manette dans tes mains. Ben, je me suis downloadé avec l'Humble Bundle qui était sorti récemment, le gros, je me rappelle pas, c'est celui d'Origin, en fait. Burnout Paradise, je me suis downloadé ça puis j'ai fait, non, on en prend une manette, là. J'en ai une manette chez nous, le Logitech, qui est un peu vieillotte. Les commandes ne répondent pas très bien. Elle a toujours été comme ça. Donc, il va falloir que j'essaye, quand je vais réussir à faire marcher ma manette de PS3, je ferai le test. Mais effectivement, il y a des jeux que c'est beaucoup plus fun d'avoir la manette. Donc, une bonne nouvelle pour les joueurs PC qui s'achèteront, bien évidemment, une PS4. Mais en fait, tu pourras t'acheter... Ça va te tenter. Tu pourrais-tu t'acheter une manette de PS4 tout seul? Faut que tu redis ça encore, Mike, une PS4. Non, c'est ça. Ça, c'est à la façon des reporters français. Comme leur finition de reportage. Là. Alors, ici, ou la façon... TVA. SRC. Alors, Mickaël Michaud, à Lévis, Radio-Canada. Quelque chose ou du genre. Ou CGMD. CGMD. Quelque chose du genre, tu sais. Le style Bernard de Rome. Non, ouais, non, Bernard, Bernie Boy, c'est le mien. Je ne pourrais me lancer dans une imitation minable. Elle le serait. Bref, tout ça pour dire qu'on est content que la manette PS4 soit compatible, puis on pourrait effectivement l'acheter seul et ça serait compatible également. Ah, ben c'est un créneau que Sony va chercher aussi pour vendre plus d'accessoires. Pourquoi pas? Ben oui. C'est peut-être justement un nouveau créneau. Mais tu sais, surtout Microsoft, pourquoi qu'ils vont pas la... Ben, déjà qu'il y en est déjà, elle est compatible, la manette Xbox sur PC. Tu vois, j'aime pas Xbox, mais au moins ça, j'aime ça. Voilà. Ben, ça va bien, leur manette. Oh oui. En fait, c'est le gros problème de PlayStation, c'est sa maudite manette. Moi, je pensais qu'elle allait avoir un redesign de la manette avec le PS4. Erreur flagrante de ma part, et non. Mais bref. Ben, tu sais, elle est confortable, la manette de PlayStation, mais... Deux joysticks au même niveau collés au centre de la manette, non. Non. Non. Juste non. Donc, on va continuer en nouvelle ludique. Maintenant, on va y aller en continuité parce qu'on a parlé tantôt d'Assassin's Creed 4 qui n'aurait pas de DLC sur Wii U, mais on va vous parler des DLC, des trucs qui... Diantre, un téléphone qui sonne avec... Voilà, ben Andrew va répondre à ça. Et je vais continuer avec Assassin's Creed 4 Season Pass et le DLC qui ont été annoncés justement hier pour Assassin's Creed 4 Black Flag. Et le communiqué de presse qui a été émis donc parle du support PC, PS4, PS3, Xbox One et Xbox 360. Donc, les contenus qui ont été concernés par ce communiqué-là, on parle du prix de la liberté, une série de 9 missions centrées autour de Dade Whale, le premier lieutenant du bateau Jackdaw. Donc, Andrew parle très fort dans le studio. Là, tout le monde l'entend, mais c'est pas grave. Je vais parler plus fort encore. Donc, voilà, des missions supplémentaires. Il va avoir aussi l'édition Collector Kraken, exclusivité de la Season Pass, pour personnaliser le bâton en question, des missions supplémentaires et des nouveaux personnages pour le multijoueur. Donc, voilà, allez... pour on les grands, tout les... ça, passer au moins 25 heures à personnaliser son bateau. Mais c'est vraiment niaiseux. Mais à date, là, à Grand Theft Auto, je perds beaucoup, beaucoup de mon temps à aller justement customiser, à personnaliser mes autos. Là, j'ai beaucoup dans la version... En tout cas, on en reparlera tantôt. Ça, c'est un problème que j'ai relevé. On va parler de Grand Theft Auto tantôt. Mais de toute façon, j'ai tellement d'argent sur ton site que je peux bien m'acheter ce que je veux sur mon auto. C'est pas un problème. Je de retour. Bienvenue. Donc, je perds pas tant de temps que ça. Mais effectivement, tu sais, personnaliser nos trucs dans les jeux, ça nous demande beaucoup de temps. Et surtout dans les jeux sandbox, où on voit tout le temps nos personnages. C'est le fun qu'ils soient habillés comme on veut. Dans Rock Band, pour moi, c'est important. Oui, oui, avoir notre personnage dans Rock Band ou dans Guitar Hero qui nous ressemblait, ben nous ressemblait, en guillemets, là, en guillemets, oui. On s'entend, mais quand même qui était à notre image rock, donc c'était quand même assez important. Voilà, donc pour Assassin's Creed 4 Season Pass DLC, voilà ce qui a été annoncé hier. Et on va continuer, là il y a des nouvelles de Grand Theft Auto, j'ai quasiment envie d'en parler avant. Oui, je vais en parler parce qu'en deuxième heure, on va y aller d'un retour encore sur Grand Theft Auto en détail. En fait, des trucs qui m'ont vraiment agacé. Pas juste « Ah, oh, c'est plein ». Ça me fait pas détester le jeu loin de là. Ça reste un excellent jeu. Mais il y a quand même des affaires qui me tapent ses nerfs dans ce maudit jeu. Ça fait combien de semaines en ligne, là, vous parlez de GTA V? Un mois et une semaine. Ah, plus que excellent. Ça. Plus que ça. Non, non, mais de suite. Ah, OK, de suite. Non, pas un mois et une semaine. Oui. Diantre. Mais c'est un gros jeu, faut le dire. Puis avec les jeux sandbox, on en parle. Skyrim, on a déjà pensé quand Skyrim est sorti en 2011, on en a-tu parlé à l'émission? Mais avec raison, parce que c'est des bons jeux. Souvent, des jeux comme ça, des grosses productions, très populaires, les gens veulent en entendre parler. Puis aussi, on découvre des trucs quasiment à chaque fois qu'on joue. Fait que des fois, ça vaut la peine justement d'en parler longtemps. Mais je vais vous en parler de Grand Theft Auto, mesdames et messieurs. Parce qu'on nous dit dans les nouvelles d'aujourd'hui que Grand Theft Auto 5 est dans le livre des records. Et oui, on nous dit que finalement, meilleure vente pour jeu d'action-aventure en 24 heures, meilleure vente pour un jeu vidéo en 24 heures, licence de divertissement qui a engrangé le plus rapidement 1 milliard de dollars. On en a parlé, ça a pris 3 jours. Jeu vidéo qui a engrangé le plus rapidement 1 milliard de dollars. Jeu vidéo qui a engrangé le plus d'argent en 24 heures. Plus gros revenu généré par un produit de divertissement. Puis là, si je me fie à cette ligne-là, au mot utilisé, là, on parle aussi du cinéma. À 1 milliard en 3 jours, là, j'aimerais ça voir le nombre de films qui ont fait ça moi, dans l'histoire. Je dis ça de même. Et trailer le plus visionné pour un jeu d'action-aventure. Voilà les records qui ont été brisés par... J'étais sûr qu'il allait battre aussi le record pour les préventes, mais apparemment, il n'est pas là-dedans. Bon, je pense que c'est un Call of Duty qui a le record encore de ça. OK. Mm. Bizarrement, mais bon. Donc, voilà les records encore qui ont été brisés par Grand Theft Auto 5. C'est vraiment, vraiment impressionnant. Les gens... pense encore que l'industrie du jeu vidéo, c'est une industrie marginale. Vous n'avez pas idée à quel point vous êtes dans le champ. Depuis déjà, je pense que ça fait déjà 3 ans que l'industrie du jeu vidéo a dépassé l'industrie du cinéma. Puis on ne parle pas de l'industrie du cinéma camerounais, là. Je parle de l'industrie du cinéma hollywoodien, la grosse patente, là. Il faut arrêter de penser que les geeks sont des marginaux. Ils le sont le moins en moins. De toute façon, l'utilisation du mot « geek » et de plus en plus galvaudé. Voilà, tu m'as dépassé sur la ligne d'arrivée à l'utilisation de ce mot, M. Castegan, mais c'est effectivement ça, galvaudé, parce que tout le monde maintenant, dès qu'ils sont un peu techno, dès qu'ils ont un téléphone, ils se disent geek. Mais geek, c'est pas mal plus, c'est être pas mal plus passionné que ça, mais aussi, il faut pas aller dans le péjoratif non plus. Mais bref, tout ça pour dire que c'est une industrie de plus en plus importante qui est déjà... majoritairement importante. Regardez les files d'attente pour aller acheter les gros titres qui sortent, les files d'attente à Noël, quand il y a des promos, Boxing Day. Les plus grosses files d'attente, c'est dans les trucs techno, là. Donc, il faut arrêter de penser que c'est une histoire de geek, que les jeux vidéo... Non, hey, même à Radio-Canada, de plus en plus, quand il y a des grosses sorties comme Grand Theft Auto, ils en parlent. Ça, c'est un signe que quand les médias mainstream comme ça en parlent autant, c'est qu'effectivement, ben, l'industrie commence à prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de place. Et ce qui est le fun, qu'on a une industrie comme ça, ben, on n'a pas juste des jeux comme ça. On a des jeux indie aussi qui prennent de plus en plus de place. Et les gens, à cause de titres importants comme Grand Theft Auto, Skyrim et tout, ben, ils vont s'ouvrir à l'industrie. Et ça va piquer leur curiosité puis ils vont se permettre d'aller ailleurs quand on est le moindrement curieux. Parce que moi, je connais du monde qui se disent gamer, mais que la seule affaire à quoi ils jouent, c'est des first-person shooters, puis principalement souvent Call of Duty. Là. Je veux dire, ça... Ou Farmville et ces choses-là. Genre, les jeux mobiles. Bref, tout ça pour dire que Grand Theft Auto 5 a battu plein de records et que c'est une bonne chose pour l'industrie et aussi pour les geeks. Voilà. Et une dernière nouvelle, avant de partir en musique, avant de tomber dans la deuxième heure de puissance maximale, justement, je vais y aller encore avec une dernière nouvelle sur Grand Theft Auto 5, parce qu'on parle de gros sous, justement. Est-ce que Grand Theft Auto sur console est une question de gros sous? C'est parce qu'il y a beaucoup de monde, dont moi, qui attendait, mais finalement, je l'ai acheté, je vous l'annonce, c'est pour ça que je vous en parlais tantôt. J'ai acheté Grand Theft Auto sur mon PlayStation 3. Et je n'ai pas attendu la version PC parce que je l'attends. L'Andrew, elle a dit « Non, il n'y en aura pas de version PC. » Non, mais qu'est-ce que je voulais dire? Parenthèse comme ça. Ça, c'est une nouvelle crédible. Oui, ce qu'on va lire, oui, parce qu'on entend plein des choses sur la version PC de Grand Theft Auto depuis des semaines, même des mois. Je démarre pas, mais t'es quelqu'un qui me dit « Ça sort sur PC parce que telle affaire. » Non. Ça, c'est une nouvelle crédible. Moi, je commence à penser que c'est possible. Oui, parce qu'on parle de M. Chris R. Silva, directeur marketing chez Intel, pas n'importe qui, là, qui donne son avis sur la question, justement, d'une possible version PC. Et là, je cite, « Je ne pense pas que Grand Theft Auto V restera très longtemps une exclusivité console. Mais ce qui arrive au lancement d'un gros jeu avec deux compagnies qui ont suffisamment d'argent pour s'assurer d'avoir du contenu. Quelqu'un a dépensé énormément d'argent pour faire en sorte que le titre soit une exclusivité. » Bon, rien de nouveau. On nous dit sur la nouvelle, justement, que c'est rien de nouveau sous le soleil, mais que ça nous pousse à nous poser une question. Quand la mouture PC arrivera-t-elle? Et là, sur les sites, comme jeuxvideo.com, qui sont quand même des sites très sérieux, il y a de plus en plus de questions qui se posent. Et là, maintenant, c'est plus « il va-t-il y avoir une version PC? » Là, la question qu'on entend le plus en plus souvent, c'est « quand est-ce qu'elle s'en vient? » Ça devient de plus en plus... ça se concrétise de plus en plus, ça, cette version-là. On verra. Moi, je pense pas que ça sorte... je penserais que ce serait après le temps des fêtes, s'il y a quoi qui sort. Si ça sort. Mais t'es là, au moins, là, ça, c'est quelque chose de tangible qui dit que là, il y a possiblement une version PC qui va sortir. Mais ça reste dans l'hypothétique. Ouais, tout à fait. Mais on pose quand même la question. La question a changé. C'est plus la même question. Bref. Voilà, Grand Theft Auto 5, mesdames et messieurs. On a fait le tour côté nouvelle ludique. On vous revient en deuxième heure de puissance maximale avec mon retour personnel sur Grand Theft Auto 5. Et moi, Piendrou, on va vous parler de Grand Theft Auto Online aussi. Écoutez, peut-être de quoi sur Geekfest. Peut-être. Parce qu'il va y avoir d'autres nouvelles ludiques. Bien évidemment. Puis, en tout cas, on verra là, pour ce qui s'en vient. Il y a eu des énigmes là, sur Internet. Là, puis nous autres, ça a l'air qu'on a trouvé le parchemin perdu dans la mer morte. Comme qui nous dit où est-ce que ça se passe. Comme diraient les deux snooze, nous avons réussi notre quête. On va avoir deux pièces d'or Facebook. Ouais. Là, la mer morte, là, exagère pas. Andrew, là, c'était au Trécoré de Charlebourg. Là. Voilà. Donc, voilà. C'était pour acheter un cachet mythique. De Marc-Amé, tu viens de tout briser. Tout briser la magie. Ça fait plaisir, Andrew. Et là, pour s'en donner à la deuxième heure de puissance maximale, bon, on va y aller en musique, et pas avec n'importe quelle musique, mesdames et messieurs. Vous savez qu'à puissance maximale, on est des gros fans de musique métal. Ben, on va vous envoyer une version métal de, je pense, c'est un mini-mélo, finalement, de musique de l'excellent jeu, du mythique Chrono Trigger. Pour ceux qui n'ont jamais joué à ça, qu'est-ce que vous faites à nous écouter? Allez jouer à ça. Tout en nous écoutant. Sur Super Nintendo. Oui, c'est ça. Et directement sur Super Nintendo. Donc, on vous envoie la version de Eric Calderon, alias E-Rock. Vous pouvez aller vous chercher. C'est Chrono Trigger Meets Metal. Tapez ça sur YouTube, vous allez pouvoir le trouver. Et le site Internet de M. Calderon, vous pouvez downloader plein de chansons. Mais on vous envoie ça tout de suite dans vos oreilles à puissance maximale sur les ondes de CJMD FM 96.9 à Lévis. CJMD 96.9. Branché sur Lévis. Le 96.9.com. Thank you. CJMD 96.9. CJMD, la radio de la Rive-Sud. This is Rene. This is German. And this is Mike. We're from Revolver Games, and you're listening to Puissance Maximale. Et oui, de retour à Puissance Maximale après Chrono Trigger meets Metal. J'ai-tu mis celle-là tantôt? Non. Ok, c'est-à-dire qu'il y avait... Ah non, c'est vrai, c'est Quezon Studio. J'avais rencontré deux Mike à Con Bravo. Voilà. J'étais même rencontré un Andrew, d'ailleurs. Ouais, mais toi, t'étais pas là, Mike. Non, malheureusement, j'avais pas pu être là. J'ai été déçu. Parce que t'as quand même rencontré Brendan Floss. Mm. Qui avait l'air, ma foi, très, très, très sympathique. Marc-Amie peut en témoigner. Je peux témoigner. Parce que Marc-Amie avec... était ta remplaçante. Ouais, avec ta voix d'infopub, là. Oui, mesdames et messieurs, je peux témoigner. Je peux témoigner. Mauvais. Je suis 100% satisfaite. Achetez un Brendan Floss, vous aurez un deuxième gratuitement. Frais de maintention inclus. Et voilà, après autant de niaiseries, mesdames et messieurs, nous allons sauter, bref, à Grand Theft Auto 5, encore une fois, parce que c'est J'étais prêt avec mes nouvelles, là. Ben non, on va y aller avec Grand Theft Auto, Andrew, parce que j'avais fait les nouvelles de Grand Theft Auto, justement, pour nous préparer à ça, pour mon retour personnel. J'écoutais pas, je savais de secrétaire pendant ce temps-là. Eh oui. Et là, c'est mon retour personnel de Grand Theft Auto, pour la simple et bonne raison que le jeu, ça fait quand même quelques semaines qu'il est sorti. On en parle encore beaucoup sur Internet, pour la simple et bonne raison que la dimension en ligne du jeu a un peu beaucoup failé. Ouais, disons qu'on peut déclarer qu'elle est fonctionnelle depuis milieu de semaine passée. Ouais, c'est un fail. Et quand je dis fonctionnel, c'est entre guillemets. En fait, ça fait longtemps, dans les gros titres qui sortent, il y a beaucoup d'échecs des versions en ligne. On parlera pas de Diablo 3 ici, là, parce que Diablo 3, c'est mauvais non, à mais, la base. Mais j'ai utilisé comme expression que Rockstar avait fait un blizzard. Ouais, effectivement. Non. Diablo 3, c'est pas mauvais. Moi, j'aime pas ça. Non, c'est mauvais. Andrew, lui, la nuance... Non, je suis un fan de Diablo, et Diablo 3 est mauvais. Diablo 1 et 2 est bon, Diablo 3 est pas bon. Je ne peux que m'incliner devant ta sagesse, Sir Castegan. Mais tout ça pour dire que Grand Theft Auto 5, écoutez, je l'ai essayé moi-même, et je reviendrai pas sur ce qu'on a déjà dit, moi et Andrew. Ben oui, en fait, je vais y revenir un peu quand même. Bonne contrôle. Ça se joue bien, moi, qui est pourri pour les jeux de tir. Autant la première qu'à la troisième personne sur console. Moi, je suis un gars PC pour ces affaires-là. Ben, à cause de la mire automatique, c'est quand même assez instinctif. Ça se bat bien. C'est jamais genre, je suis pourri ou en tir troisième personne, je serai jamais capable de jouer. Au contraire, ça se passe super bien, entre autres à cause de la mire automatique. Mais même dans les bouts où la mire automatique n'est pas activée, je me débrouille quand même très bien. Moi, les contrôles des véhicules, sans farce, chapeau. Je trouve que ça répond super bien. C'est le fun. C'est un peu chiant qu'on pogne un véhicule qui a pas beaucoup de manœuvrabilité assez ordinaire puis qu'on se fait courir par la police. Toujours moins intéressant. Là. On rentre partout, on est prêt à se sauver. Mais c'est quand même des trucs qui sont dignes de mention. Puis j'avais une critique disant que le jeu, les graphiques, Andrew, tu t'en rappelles, là, que j'avais un peu buté sur les graphiques. Je trouvais qu'ils étaient moins intéressants. Écoutez, j'ai regardé, j'ai vu le jeu sur une TV OLED avec un taux de rafraîchissement plus élevé que la mienne. Ça rachète pas tout, loin de là. Mais quand même, je trouve que ça faisait une bonne différence. J'ai quand même gardé ça en tête quand j'ai joué. Puis aussi le fait qu'une fois qu'on est dans le jeu, là, quand on est dedans, parce que c'est quand même un jeu sandbox, là, un jeu ouvert... C'est assez immersif que ça passe bien. T'sais, moi, mon opinion là-dessus, c'est que c'est pas plus pire que les textures vanille de Skyrim. Non, c'est ça, t'as tout à fait raison. Vanille étant texture originelle. Ouais, c'est ça. Si vous connaissez pas le terme. Là, on utilise des termes techniques à puissance maximale parce qu'on est des connaisseurs, mais on a toujours quelqu'un pour nous les expliquer, n'est-ce pas, Andrew? Mm. Donc, c'est ça, ça passe quand même assez bien finalement. On oublie tout ça parce que moi, je veux faire un high five à Rockstar pour l'histoire. C'est tellement intéressant qu'on a justement ces trois personnages-là, Michael Franklin puis Trevor, qui est mon préféré d'ailleurs. Parce que moi aussi. Michael, il est cool. Tu sais, gangster un peu retraite, classe. Quand même un violent, une sorte de violence, mais intéressant. Franklin, je trippe moins. Je trouve que c'est un personnage qui est vide. Ben, il arrive, hein, il est plus jeune que les deux autres, il a moins de vécu, ça paraît dans le scénario. Non, mais tu sais, qu'est-ce que je veux dire, c'est que Michael, tu sais, il y a comme un contexte où sa famille se détruit. Ouais, tu parles de l'histoire autour du personnage, c'est tout ça, c'est ça se passe. Tu sais, il a sa petite personnalité, mais tu sais, c'est pas la personnalité la plus forte du groupe. Mais tu sais, il y a une personnalité de leader, mais tu sais, c'est pas une personnalité explosive comme Trevor est. Moi, ça se développe, par exemple. Je sais pas où t'es rendu dans la story mode. Mais ça se développe assez. Le personnage se développe bien, mais je suis d'accord avec toi de dire que l'histoire autour de ce personnage-là tout seul, je la trouve pas mal moins intéressante que celle de Trevor et celle de Michael. C'est ça, tandis que Franklin, j'ai. Je sais pas, tu sais, à part qu'il dit homies, mother beeper. Non, tu peux le dire. Motherfucker, fuck. Tatati, ouais, tatata. Le langage de rue, le langage. C'est ça, t'sais. C'est un peu stéréotypé de gangsta, là, son. Ben, c'est ça, je trouve que, t'sais, il est trop ça. T'sais, je trouve qu'il donne comme une impression qu'il a été moins travaillé que les deux autres. Ben, ouais, au début, c'est comme ça, mais je te dirais, en tout cas, je sais pas où est-ce que. Comme j'ai dit tantôt, je sais pas où est-ce que t'en es rendu dans la mode histoire, mais c'est un personnage qui se développe très bien au niveau, justement, avec les deux autres, avec ce qui s'en vient, ce qui arrive aux deux autres, il se développe bien, mais effectivement, comparé aux deux autres, Trevor, ben, c'est n'importe quoi. Si je me fie au pourcentage de ma sauvegarde, j'étais à 49,4%. Ouais, on est à peu près dans les mêmes eaux. Mais Trevor, sans farce, là, il est fou. Il me fait vraiment rire parce qu'il pète vraiment des notes sur n'importe quoi. Il est niaiseux, mais il est cave. Là. Et c'est un Canadien. Ce qui m'amène, en fait, une autre de mes critiques par rapport à Grand Theft Auto. Je trouve que, là, il y a du monde qui vont dire de quoi tu parles, mais c'est mon point de vue. Je trouve qu'il manque un peu de viande dans ce qu'on peut faire en mode sandbox quand on se promène. Et je m'explique. Vous êtes capable de faire, ça arrive, vous faites quelques gros coups planifiés avec Lester, puis toute cette gang-là, planifier justement des cambriolages de haute voltige, on va dire ça comme ça. Vous en faites pas tant que ça, vous en faites surtout dans l'histoire. Puis ce que vous pouvez faire sinon, ben c'est voler des dépanneurs, des chars. Je trouve qu'il manque de gros coups qu'on peut faire en mode libre. Ce qui fait qu'à un moment donné, parce que ça rapporte pas tant d'argent que ça, les dépanneurs, là, on s'entend. Là. C'est pas ça qui paye. Non, c'est la vache à lait du jeu, c'est la bourse. Ouais, mais ça me tape ses nerfs. C'est une belle. Ce que je trouve, c'est une belle option. Je sais pas que ça devrait pas exister loin de là. C'est une belle option, c'est bien pensé. Juste que moi, ça me tente pas d'arrêter au milieu du jeu, faire bon, je vais regarder mes actions, moi, je veux me promener en char, je veux tirer du gun. Je veux que ça bouge. Ça me tente pas de prendre le temps de regarder ça. J'en ai acheté avec Michael. Je sais même pas où c'est rendu. Je sais même pas regardé ça depuis que je l'ai acheté. Tu as investi dans une compagnie d'assurance puis tu détruis plein de voitures. Ouais, ben c'est ça que j'ai pensé faire, mais je trouvais ça un peu. Il y en a qui disent que c'est un peu le but du jeu. Mais une fois que je suis dans l'immersif, dans ce genre de jeu-là, c'est mon petit côté rôliste qui ressort. Quand je joue Michael, quand je joue Franklin, ça me tente pas d'arriver à une place puis de tuer tout le monde. Avec Trevor, c'est autre chose, mais je sais pas, c'est peut-être le petit côté genre que je m'identifie au personnage, puis c'est pas le genre au personnage de faire un carnage pour le fun, tu sais. Fait que le côté, j'aurais aimé ça qu'il y ait plus de trucs pour faire de l'argent en dehors du market, justement, en dehors du stock market, aller chercher autre chose. Ce qui fait qu'à un moment donné, je me suis modifié un char, je me suis acheté plein d'armes pour être prêt, puis j'avais plus une scène. Puis là, j'attendais de faire un autre gros coup, faire « Oh yeah, une coupe de 100 000 pour me remettre à flot. » Là, je fais une mission avec... je ferai pas de spoiler, mais je vais dire la mission avec le bateau. Oui, oui, oui. Quand j'ai fini la mission, j'étais tellement fâché, là, pour pas utiliser d'autres mots que notre Seigneur considérait de blasphème. J'étais tellement fâché là, après Trevor. J'ai dit « T'es bien cave! C'est bien n'importe quoi, ce plan-là! » Mais bon, c'était drôle, en fait. Au début, j'étais fâché pour vrai. Je voulais faire du cash, moi. Puis finalement, ça donne rien. Oh, spoiler, finalement. Je m'excuse. Mais j'étais tellement fâché, mais finalement, c'était tellement drôle que ça rentre dans ce que je voulais dire. Dans l'histoire qui est tellement, tellement prenante, qui nous aide à rentrer dans le jeu. Mais il manque vraiment de trucs qui permettent de faire un bon coup d'argent pour pouvoir profiter justement du côté sandbox, pour se faire des chars. S'acheter un cinéma. Le cinéma, il coûte quand même 30 millions. Oui. Le club de golf, 150 millions. Mm-hmm. Je pense que la prochaine fois que je vais jouer, je vais vraiment prendre 2 heures de mon temps juste pour faire du stock market, juste pour checker comment ça fonctionne puis voir si c'est si payant que ça. Dans le fond, c'est pas comme dans Red Dead Redemption où tu pouvais passer des heures et des heures à tuer des raccoons et des coyotes toute la nuit. Ben oui, tu t'en vas dans le désert en haut, il y a effectivement des coyotes que tu peux tirer au gun. Il y a même une mission avec Trevor où t'es avec un gars, t'es sur une galerie dans un vieux motel cheap, puis tu tires les coyotes qu'il y a dans la rue. Ça te rapporte de quoi? Non. Non, il n'y a pas de... Mais en fait, tu peux aller faire de la chasse. Plus tard, ça se débloque. Ouais, tu peux aller chasser. Ça, je voudrais le faire. Chevreuil, puis il faut que tu prennes le chevreuil en photo, puis que tu envoies ça. Ouais, mais je sais pas si c'est payant. J'ai juste fait ça dans genre, le tutoriel du John Ting. Je n'ai pas été plus loin non plus. Je vais aller voir ça. Avec Cletus. Ouais, Cletus. C'est ça, tu sais, un redneck qui s'appelle Cletus, moi je capotais. Oui, comme dans les Simpsons. Voilà. Donc... autre truc qui m'a tapé sur les nerfs, parce que là j'ai l'air de taper beaucoup sur le jeu, mais il ne faut pas oublier que pendant deux semaines, on a parlé en bien du jeu. Là, on parle de trucs moins le fun. Le Christie de garage. Moi, je décide de voler tout plein de chars et de les garder pour moi. Dans la version, je sais que dans la version online, on peut avoir un gros garage, on va porter nos chars. Mais il n'y a pas ça dans la version story. Tu vas passer dans ton garage de ton safe house. Puis là, si tu le ressors, ben tu le perds. Ça fait que là, si tu décides de te pogner un super char, puis de te le tuner, là, de te le personnaliser, que ce soit ultra performant, ultra résistant, tu sais, un tank, mais qui roule à 400, là, ben si tu le ramènes pas, là, ben tu l'as plus. T'as-tu été le porter dans le garage qui est la petite maison de la couleur de ton personnage? Ben c'est ça, je me demandais. J'ai trouvé un char tout plein hot, là. Mais je trouve ça, en fait... Ça va. S'il y a effectivement une option, tant mieux. Ce que je trouve plate, c'est que peu importe où est-ce que... Ça, c'est une option qu'on avait dans Saints Row, que je trouve vraiment... Tu lâches un coup de fil, il te l'emmenait. Ben ça, t'es n'importe où. Mais il faut dire que c'est pas le même... Tu sais, dans Saints Row, t'as vraiment une gang avec toi. Là, t'es trois cabochons. C'est-à-dire, tu peux pas te monter une armée avec ça. Ah, mais... En fait, c'est deux cabochons et un très cabochon. un très cabochon dangereux. Mais autre chose qui était le fun dans Saints Row, c'est... Peu importe le garage qui t'appartient, où tu vas, tous tes véhicules sont disponibles. Là, c'est pas réaliste. Hey, Grand Theft Auto 5, là, c'est pas réaliste pantoute. Là. Tu fais des tonneaux en char, puis tu peux leur dresser si tu mets ton joystick dans le bon sens. Là. C'est pas réaliste, là, arrêtez. Là. Il y a des chutes que je fais dans ce jeu-là, je serais mort 20 fois. Là. Ou tes jambes seraient cassées, du moins. C'est ça. Arrêtez. Là. On parle de « je veux avoir mes chars proches ». Donc, possibilité de mettre tes chars, la quantité de chars que tu veux dans ton garage, on s'en fout, c'est pas réaliste, là. C'est pour avoir du fun. Puis les avoir disponibles dans d'autres garages ailleurs, ça a même. Ça serait le fun. Je sais pas si ça serait possible de rajouter ça en DLC ou en update, mais bref. Mais le fameux garage, ouais. Là, je l'ai pas essayé, mais je crois qu'il fait qu'est-ce que tu veux. Parce que moi, j'ai trouvé, dans ce garage-là, j'ai trouvé un char tout plein hot. Mais je pense que si tu le rapportes là, il fait qu'est-ce que tu veux que tu fasses. Pardon, tu peux pas te le faire livrer là, quand t'appelles. Bref, voilà, c'est ça. C'est t'as le garage là. Puis en tout cas, bref, trop centralisé. Je trouve qu'il manque de possibilités d'aller chercher vos affaires, d'aller chercher vos trocs partout. Mais bon, vous pouvez traîner à peu près l'équivalent de trois bases d'armée en armes sur vous autres, par exemple. T'es-tu allé aux danseuses? Ouais, dans la mission avec Trevor, ben à un moment donné, il se passe quoi avec Trevor dans un bar de danseuse? Il y a quelque chose, le bar de danseuse, hein? Ça me fait beaucoup rire. Ben en fait, tu peux juste prendre des shots de fort. Ben, t'as-tu pris une danse avec une demoiselle? Non. C'est le GTO où c'est le plus intense visuellement, le bar de danseuse, quand tu prends des danses. Et, je peux témoigner. Et dans GTO 4, tu pouvais zoomer, sauf que les danseuses avaient des genres de petits tapes pour cacher les mamelons. Mais là, ouais, sauf que dans GTA V, ils ont décidé d'aller avec une méthode plus subtile, ben, la texture pas belle. Ouais, c'est ça. Mais en fait, tu sais, il y a plein de monde qui disent que Grand Theft Auto V, ça va trop loin. En même temps, ça s'assume à 100%, puis je trouve ça correct. Mais étonnamment, je trouve que c'est le GTA qui a fait moins scandale. Oui, effectivement. Mais je le trouve plus hardcore que les autres. Il y a quand même une mission où on s'en va filmer quelqu'un baiser, là. Ouais. Et j'ai pas fait de spoiler, cette, là, c'est une mission secondaire. Oui, ben non. Ben au moins, c'est ça. Je trouve qu'il s'assume à fond. Le jeu est là pour ça. Il s'assume, that's it. Puis on n'a pas de y a rien qui fait, ouais, mais là, il me semble que ça fit pas justement avec le contexte gangster à l'extrême. Tout s'assume. Ça, je trouve ça intéressant. Mais moi aussi, j'en ai parlé il y a deux semaines quand on a parlé du jeu. Je trouvais bizarre qu'il n'y avait pas eu plus de scandale que ça ou... pas autant de monter de lait partout. Là. On parlait de mamelon, là, je ne voulais pas faire de mauvais jeu de mots, mais qu'il n'y ait pas autant de réactions que ça, ça m'a étonné. Mais bref, on va passer à Grand Theft Auto Online, Andrew. Moi, j'ai réussi à jouer... Mais avant que tu passes à Grand Theft Auto Online, parenthèse comme ça, Andrew puis moi, on a vu une vidéo qui montrait les cheat codes qu'on peut avoir dans GTA V. Et ma foi, c'est très divertissant. Ouais, ben, oui, parce qu'il y a des cheat codes dans GTA. On vous le rappelle. Évidemment, j'en ai profité un peu. J'en ai fait un pour avoir les comme la première sélection de gun au début. Tu te rends compte qu'il y en a plus que ça, hein? Oh, oui, ben en fait, il y a à peu près trois... À date, là, je pense qu'il y a trois choix par catégorie d'armes pour le moment où je suis rendu. Puis il y a encore des racks vides dans le magasin d'armes. Mais ça, je sens que ça sent le DLC, par exemple. En tout cas, bref, on verra bien. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai utilisé un petit cheat comme ça, mais il y en a plein. Il y en a pour faire apparaître des véhicules, il y en a pour donner des armes, il y en a... Il y a un mode lunaire pour faire aller plus lentement. Il y a le mode où que tu t'approches quelqu'un à terre puis il explose carrément. Là. Il fait point explosif, balle enflammée, balle explosive. Le mode de Skyfall où tu peux faire « I believe I can fly ». Ouais, ça c'est... Ben, Skyfall, c'est comme quand on saute en parachute ou... Ouais, ben dans le fond, c'est... C'est comme la position quand ils sont en parachute, sauf que tu tombes pas. Tu voles. C'est le Superman. Ah, okay. Non, ouais, c'est ça. Je les ai pas testés, ceux-là, parce que maintenant, ça va faire. Hein? Les cheats, hein? Faut arrêter de tricher. Tu n'es pas Mike, sort. Mais non, c'est ça. J'avais utilisé ceux pour les armes. Mais ben, ouais, effectivement, là, je les ai pas testés. Allez voir ça sur YouTube. Sûrement que vous allez pouvoir voir des super vidéos comiques déjà par rapport à ces cheats-là. Mais Grand Theft Auto Online, écoutez. Gros problème, en fait, pas disponible au lancement pour la plupart des gens. Parce que j'ai même fait un sketch là-dessus. Ouais, la semaine passée. D'ailleurs, l'émission de la semaine passée va se retrouver normalement ce soir avec l'émission de ce soir sur le site Internet. Grand Theft Auto Online, donc des time-outs là, au niveau de la connexion avec les serveurs, ça marchait pas. On a su après qu'il y avait des bugs avec les serveurs, entre autres de PlayStation, qui limitait le nombre de personnes qui pouvaient se connecter. Ça a été corrigé avec un patch. Là, cette semaine, j'ai réussi à jouer quand même quelques heures. J'ai essayé de jouer avec notre ami commun à Moyendo, M. Luc Lavoie. On a tenté... Bon salut. Oui, qu'on a tenté, on a tenté le dimanche. Mais il y a eu un bug assez majeur. Ton perso s'efface. Premièrement, tu peux pas te connecter à la game d'un de tes amis quand tu es en train de faire le tutoriel, ce qui peut être assez legit. Mais il y a des. Ce que je trouve un peu cave, c'est que quand tu fais ton tutoriel, tu peux premièrement sélectionner si tu veux aller dans un serveur public, si tu veux te faire dans une game publique, si tu veux te faire une game juste avec tes amis ou une game seule. Pour les premiers, la première fois que vous allez vous connecter, je vous conseille, la game solo, parce qu'il y a des épais dans les games publiques que pendant que tu. Puis ils ne savent pas, mais quand même. Tu te promènes dans la rue tranquille, il y a un gars qui passe en char, qui est un autre joueur, il décide de te gonner ou de te rentrer dedans, sans raison. Là, il y en a qui vont dire, ben c'est ça, un peu la game. Oui, mais quand tu es en train de faire ton tutoriel puis que tu savais pas que tu pouvais te connecter sur une game solo, c'est vraiment chiant. Mais vraiment. Donc, aller sur une game solo pour commencer, puis donc, tu peux pas te joindre la partie de ton ami. Puis là, ça prend quand même un certain temps faire le tutoriel, faire ton perso. Puis là, une fois que c'est fait, tu décides de t'en aller ou de faire autre chose, whatever, ton perso, quand tu reviens, il est pas là. Ça fait trois fois que tu le fais, là. T'es tanné, puis tu t'en vas jouer au Story Mode. Ça, c'est un bug majeur. Je ne sais pas s'ils l'ont corrigé. En fait, je pense... Moi, j'avais fini mon perso. Là, on a décidé de ne pas jouer ensemble parce que c'était trop gossant. C'était pas jouable, en fait. Ça fait qu'on a, j'ai décidé d'aller en Story Mode. Puis là, je me demandais, l'autre fois, quand je jouais la sélection des trois personnages, il y a une quatrième case en bas. C'est pour ton perso en ligne. Ça fait que là, je m'en fous. Je vois mon perso, je fais « Ah, ben, il a sauvegardé. » Je rallume mon jeu une journée après. Disparu. Donc, je sais pas ce qui va se passer avec ça, mais j'espère qu'ils vont le corriger rapidement parce que c'est juste pas jouable. Un gros problème du jeu, en général, il n'y a pas de Christie de menu. Quand tu ouvres ton jeu, tu t'en vas direct dans le story mode, à moins que tu pèses sur X, puis il va basculer en online. Mais quand il fait ça, tu peux pas sélectionner si tu t'en vas dans un mode solo ou dans un mode public ou dans un mode juste avec tes amis ou avec ton crew. Tu t'en vas direct en mode public. Ça fait que là, si tu veux venir dans les autres modes de multijoueur, faut que tu t'en ailles dans le story mode, que tu ailles dans l'online, que tu ailles sélectionner le bon, puis que tu reviennes dans l'online. Puis là, tu es chanceux si tu peux retourner dans l'online. S'il n'y a pas de timeout, vous voyez le genre, là. C'est vraiment problématique. On va aller direct dans l'online public, ça va, mais ça t'offre pas la possibilité de choisir ton mode. Et Mike, question comme ça, est-ce que tu as trouvé un moyen d'enlever les voix du monde qui joue? Ouais, j'ai pas mis mes écouteurs sur ma tête. Ben moi, il sort dans les speakers de la TV. Ah, ben c'est ça. Moi, j'ai des écouteurs Turtle Beach que je plante dans mon PlayStation pour pouvoir chatter justement avec... Parce que je les mets pas ou je ferme le son, mais je savais pas qu'il pouvait sortir. J'ai pas testé. Moi, quand je l'ai testé, mes écouteurs étaient déjà branchés. Parce qu'il n'y a pas de casque d'écoute sur la console à laquelle je joue. Et je te dirais là, que sérieusement... Là, on salue la console que tu joues, Andrew. Oui. Le volume des voix du monde qui chatte est beaucoup, mais beaucoup plus fort que le volume du jeu. Et pour rien. Puis dans le menu audio, tu peux pas changer ça? J'ai cherché partout et j'ai vu aucune configuration pour permettre de l'enlever. Fait que si vous êtes un auditeur et que ça donne que vous avez trouvé une façon pour enlever ces voix-là, s'il vous plaît, envoyez un message privé parce que c'est vraiment ça qui a fait en sorte que j'ai pas joué longtemps parce que j'étais plus capable, mais plus capable de jouer au mode en ligne parce qu'il y avait du monde complètement débile qui venait me voir puis qui me klaxonnait avec leur véhicule parce qu'ils voulaient que j'embarque quelques autres puis qu'il y avait un lag pas possible qui donnait l'impression que le véhicule flottait dans les airs et qu'en plus, c'était une place et ça faisait du clipping, dans le fond, t'es dans une place, ça gèle et t'es rendu une autre place. Genre, je roule, je jump, aïe, j'ai mal parce que je suis dans un poteau et pourquoi je suis à l'arrêt et le gars court? Voici mon expérience de jeu. Ben, c'est le problème, entre autres, là, je parlais de problèmes de connexion, ben, ça amène aussi des problèmes de stabilité, ce qui fait que quand on essaie de partir une mission à plusieurs, ben, la mission, elle ne start jamais. On n'arrive même pas au menu de la mission, puis ça fait geler notre console. Et là, tu redémarres, puis quand tu reviens, ton perso est effacé. Donc, vous voyez que là, présentement, mesdames et messieurs, Grand Theft Auto Online, c'est de la chenoute. Ça ne marche pas, c'est pas jouable. Hier, je pensais, mon perso est effacé, fuck off. Je vais jouer quand ce sera stable et jouable. Sans farce, c'est d'un ridicule. Le online, ce qui est le fun, c'est que vous n'êtes pas obligé de jouer en multi. Vous pouvez jouer en solo, comme j'ai dit, donc vous pouvez faire une carrière. Par exemple, vous allez voir qu'il y a une nette différence entre les prix des objets et des upgrades des items dans l'online avec l'argent que vous faites. Ça coûte une fortune en mode online, puis vous ne faites pas de l'argent si facilement que ça. Donc, vous pouvez pas faire comme dans la version Story Mode puis vous faire 26 000 chars dans le tapis. Faut vraiment, c'est vraiment long, mais bref, on vous reparlera un moment donné quand Grand Theft Auto Online sera vraiment opérationnel. Voilà. Écoutez, j'en ai parlé longtemps parce que j'avais quand même beaucoup de choses à dire sur le côté négatif de Grand Theft Auto, mais ça reste, et je le rappelle, un très bon jeu sandbox. Un bon jeu de gangster, une bonne histoire, vraiment intéressant, mais il y a quand même des bouts qui font chier. Voilà, je l'ai dit. Pourquoi à chaque fois que tu dis sandbox, je pense à litière? Ben, parce que ça pourrait effectivement faire penser à cette traduction, mais c'est le terme pour le genre de jeu. Bref, voilà, c'était mon petit retour sur Grand Theft Auto 5 et Grand Theft Auto Online avec M. Castegan. Et là, on s'en va en musique, M. Castegan, et on s'en va avec un classique. De la musique française, parce que oui, on vous passe du métal et de la musique geek, mais on vous passe aussi des classiques à puissance maximale. Jusqu'à c'est toi qui fais la sélection musicale. Ouais. Parce que moi, j'ai pas de musique francophone dans ma sélection musicale. Et on va vous envoyer Boris Vian, le grand Boris Vian, avec la chanson Cinématographe. Et on vous envoie ça à puissance maximale sur les ondes de CJMD 96.9 à Lévis. Quand j'avais 6 ans, la première fois que papa m'emmena au cinéma, moi je trouvais ça plus palpitant que n'importe quoi. Il y avait sur l'écran des drôles de gars, des moustachus, des fiers à bras, des qui s'entretuent chaque fois qu'ils trouvent un cheveu dans le plat. Un piano jouait des choses d'atmosphère, Guillaume Tell ou le grand air du Trouvert, et tout le public en frémissant se passionnait pour ces braves gens. Ça coûtait pas cher, on en avait pour ces 3 francs. Belle, belle, belle, belle, belle comme l'amour. Blonde, blonde, blonde, blonde, blonde comme le jour. Un rêve est passé sur l'écran et dans la salle obscurément. Les mains se cherchent, les mains se trouvent timidement. Belle, belle, belle, belle, la revoilà. Et dans la salle, plus d'un corbat. La voiture où elle se croit en sûreté vient de s'écraser par terre avec un essieu cassé. Le bandit va pouvoir mettre la main sur le fric, c'est tragique, nom d'un chien. C'est fini, tout s'allume à mercredi prochain. « Maintenant ce n'est plus mon papa qui peut m'emmener au cinéma, car il plante ses choux là-bas pas loin de Saint-Cucufa. Mais j'ai rencontré une Dalila, une drôle de môme, une fille comme ça. Elle adore aller le mercredi dans les cinémas. Bien sûr c'est devenu le cinémascope, mais ça remue toujours et ça galope. Et ça reste encore comme autrefois, rempli de cowboys sans foi ni loi, et de justiciers qui viennent fourrer leurs grands pieds dans le plat. Gar, gar, gar, gar, gar, il coupait. S'approche du ravin d'enfer. Fais attention, pauvre crétin, car Alan Ladd n'est pas très loin. À 500 mètres, il loge une balle dans un crouton de pain. Gar, gar, gar, gar, pendant ce temps-là, je la prends doucement au creux de mon bras. Le fauteuil où elle se croit en sûreté ne m'empêche pas, ma foi, d'arriver à l'embrasser. J'ai pas vu Cigari sort gagnant, mais comme c'est le cinéma permanent, ma chérie, rappelle-toi, on est resté un an et on a eu beaucoup d'enfants. CJMD débute la journée du bon pied avec Laurence et Mathieu. Horoscope, offre d'emploi, actualité et musique entraînante. Deux toasts et demi le matin, du lundi au jeudi, 8h. Hi, I'm Alexey Pajitnov. I'm creator of Tetris and you are listening to Puissance Maximale. Et oui, de retour à Puissance Maximale après Cinématographe, parlons de Boris Vian. Une excellente chanson. Et on va continuer, mesdames et messieurs, en nouvelle musique. Oui! Ça, c'était un cue pour toi, Sandro. Ah, ok, parfait. Non, non, mais en fait, je plaisante. C'était... Quel sac à blague. Allez, vas-y. Donc, Mass Effect 4 utilisera le Frostbite Engine. Et là qu'on parle de Frostbite Engine... C'est le engine de Battlefield. Hurrah! Ben, on s'entend que côté graphique, on n'a pas à se plaindre. Non, c'est sûr, on ne se plaindra pas. Et la physique non plus. Et en même temps, c'est officiel, Mass Effect 4 est en cours de développement par l'équipe de BioWare Montreal. Ça aurait été drôle que tu me dises, bah, ils n'ont pas vraiment confirmé le jeu, mais ça va utiliser Frostbite. Mais il va être fait par l'équipe de BioWare Montreal. Oh! Et ça va être Casey Hudson, le producteur exécutif du titre. Je dirais hurrah et je dirais ensuite, mais qui est cet homme? Ben, c'est un éternel, d'après l'article. À mon avis, je pense que c'est lui qui a été le directeur exécutif des trois premiers. Vous voyez que nous, on les aime, les artisans des jeux vidéo, mais on les connaît pas tant que ça. Ben, en fait, on les connaît, mais quand on a vraiment le petit background après, tu sais, quand ça dit tel nom, producteur exécutif de tel jeu, on fait « Ah oui, on l'aime, lui! » Ouais, c'est ça. Ben, tandis que là, moi, il est juste écrit « L'éternel Casey Hudson », je présume que c'est lui qui a fait les trois premiers. D'ailleurs, un message à BioWare, faites un jeu de Pathfinder. Pathfinder, on le rappelle, qui est un jeu sur table, un principal concurrent de Donjons Dragon. Écoutez, parce que je suis dans un mode un peu nostalgique ces temps-ci, parce que je me suis retapé les deux trilogies de Star Wars. Là, je me cherche de façon, là, clin d'œil, à Marc-Camille, je me cherche désespérément la série Clone Wars, parce que ça a vraiment l'air meilleur que ce que je pensais. Elle a peut-être un contact pour toi. Peut-être. J'ai un contact pour toi. Excellent. On s'en reparle après l'émission. Et tout ça a commencé parce que justement, je vous ai emprunté à Julien et à toi Star Wars Force Unleashed. Le jeu est assez ordinaire, là. On est d'accord là-dessus. Mais ça m'a replongé dans l'univers Star Wars. Puis BioWare avait tellement fait un bon jeu qui s'appelle Knight of the Old Republic à l'époque, jeu d'un RPG tellement excellent. Puis là, ils ont fait un MMORPG des plus ordinaires, selon moi, c'est mon opinion encore. Contrôle pas intéressant, puis MMORPG à la base, j'embarque pas. J'aimerais vraiment ça que BioWare se replonge dans l'univers Star Wars au niveau d'un bon RPG. À la peut-être Mass Effect, mais tu sais, on le voit là un peu, on parle avec les personnages, ça a vraiment de l'influence sur ce qui s'en vient dans l'histoire. Quelque chose de vraiment avec plus de viande. Et la même chose pour l'univers Donjon Dragon slash Pathfinder. Pour l'instant, toutes les ressources sont monopolisées à cause de Star Wars 7, donc ça va être un peu difficile, mais effectivement, Star Wars Clone Wars, j'avais pas écouté les premières saisons quand c'était diffusé à Télétoon, mais les dernières, j'ai accroché beaucoup, oui. Mais j'ai hâte de regarder ça. Puis là, on a annoncé cette semaine pour l'automne 2014, Star Wars Rebels, qui va faire le pont entre la prélogie et la trilogie originale. Ça, j'ai hâte de voir ça. Darth Vader, j'ai hâte de le voir. Mais bref, tout ça pour dire que BioWare, c'est une compagnie qui est bonne, qui fait des bons titres, mais je trouve qu'ils en perdent un peu. J'ai vraiment hâte de voir le prochain Dragon Age, s'ils vont se rattraper sur le deuxième titre de la franchise, s'ils vont avoir un gameplay plus intéressant, qui va être plus... Ouais, mais ils vont passer inaperçu, Mike. Parce que tu vas être trop occupé à jouer à The Witcher. Tellement. Ouais, mais Witcher... ouais, en plus, ça va être une version monde ouvert, sandbox, là, aussi Witcher 3. C'est ça, c'est pour ça que je dis que tu vas être trop occupé à jouer à Witcher. Non, mais je vais y jouer pareil, parce que Dragon Age, même si le deuxième titre avait été pas mal moins bon que le premier, je l'avais quand même aimé. Mais le premier était excellent. Ouais, c'était malade. BioWare, c'est un chef-d'œuvre de jeu de rôle vidéo, là. C'est très excellent. Bref, BioWare, on les... Mais pour compléter la nouvelle... Oui, vas-y. Yannick Roy, qui est directeur du studio de BioWare à Montréal, a fait un billet sur son blog. À Montréal. Montréal a fait un billet sur son blog disant que toute la mécanique du jeu allait être revisée en fonction du nouvel engine. Donc, ça a été surveillé. Donc, ça devrait être un Mass Effect réinventé. Fait que moi qui n'avais pas vraiment aimé les trois premiers Mass Effect, pour plusieurs raisons, en fait. Peut-être que je vais bien aimer le 4, on ne sait pas. Qui sait, tu pourras t'y lancer pour voir des belles images et peut-être un bon jeu, qui sait. Ben, j'enlève rien au jeu. Le jeu a marché, c'est signe que c'est un bon jeu. C'est juste parce que j'ai pas embarqué dans l'histoire, j'ai pas embarqué dans l'univers et j'ai pas tant aimé la mécanique d'exploration du jeu. C'est dit, si Andrew l'a dit. Mais bref, merci de nous avoir partagé ça, Andrew. Ça m'a fait plaisir. Prochaine nouvelle. En direct, dans les studios. Non. Mais bref, tout ça pour dire un nouveau BioShock. Oh, oh, oh. Ben, on connaît tous BioShock, là. Ouais, ben, dans le fond, par Irrational Games. Mais, oui, mais. C'est comme ça que l'article a comme nom. En fait, c'est par le biais de Reddit que Kevin Levine, directeur créatif de BioShock et BioShock Infinite, et Andrés González, level designer chez Irrational Games. On voit ce que ça fait Andrew parler avec... Andrew International. Ouais, c'est Andrew International. International. Soir, avec son petit accent hispanique des plus convaincants. Ouais, tout plein. Sont revenus sur un potentiel nouvel épisode de la saga sur l'égide de leur société, notamment à l'origine du troisième opus. Ainsi, Ken Levine a déclaré, pour ce qui est de davantage de jeux BioShock développés par Irrational Games, il est trop tôt pour le dire. Cela dépendra toujours du fait que nous ayons une idée dont nous tomberons amoureux et que qui nous excitera suffisamment. Si nous ne l'avons pas, je pense que c'est un autre studio qui se chargera du jeu. Si nouveau jeu il y a, dans tous les cas, je ne vous imagine pas le faire si nous ne sommes pas amoureux de l'idée. Je n'ai pas travaillé sur BioShock 2 et je ne pense pas changer ma façon de faire. Oh, quand même, c'est très... Parce que BioShock 2 n'avait pas été fait par l'équipe originelle. Ouais, c'est quand même culotté de le dire, je trouve et ça... C'est le BioShock qui a eu le moins de succès, d'ailleurs. Ah, quand même. Mais je trouve ça intéressant, justement, un créateur de jeu qui est intègre, et qui dit, ben, si on n'a pas d'idée, on n'en fera pas, puis il y a peut-être une autre équipe qui va faire un autre jeu, mais si ça ne nous intéresse pas, on sera pas là. Mm. Je trouve ça le fun, puis je trouve ça beau. On parle des artistes, ben les créateurs de jeux aussi, c'est des artistes. Puis ils ont le droit d'être intègres. Ben, comme Diego Lamana nous le dit. Oui. Et Gabriel Gaudet l'a déjà dit. Oui. Le jeu vidéo est un art. Voilà. Tout simplement. Et respectons ses créateurs. Autre nouvelle, M. Castigan? Dragon Crown, jeu qui a été... attendez un peu, je vais le reprononcer. Dragon's Crown. Oui. Jeu qui a été critiqué par M. Julien Materne la semaine passée, pendant ton absence. En fait, il y aurait possiblement un crossplay PS3 Vita prochainement par le biais d'une mise à jour. Et là, Andrew, tu vas nous expliquer qu'est-ce qu'un crossplay. Pour ceux qui le savent. Ça, c'est un homme qui se déguise en femme. Non, mauvais crossplay. Non, mais... tu te trompes de concept, mon ami. Non, c'était une plaisanterie. Sac à blague, encore une fois. En fait, c'est un concept qui a été développé à la v'là des lunes, mais jamais vraiment exploité. Et avec l'ère des nouvelles consoles qui s'en vient, c'est quelque chose qui a été mis de plus en plus de l'avant. C'est le principe que si un jeu existe, exemple, sur PC, sur PS3 et sur Vita. Mais au lieu que les personnes de Vita jouent sur juste avec du monde de Vita sur un même serveur et que le et etc. Mais que tout ce beau petit monde là se rejoigne sur le même serveur. Peu importe la version. Peu importe la version et puissent jouer ensemble. Ça avait été mis à l'avant avec le début des MMORPG qui commençaient à faire leur apparition sur les consoles de salon. Comme exemple Final Fantasy XIV et Final Fantasy XI. Sauf que ça, l'idée avait été approchée aussi avec Shadowrun, jeu de tir très mauvais qu'il y avait eu à l'époque sur Xbox 360 et PC. Et ça n'avait pas vraiment abouti. Les jeux étaient débalancés parce que jouer à un jeu de tir sur PC versus console, il y a quand même une différence. Ouais, il y a une gang qui devait se faire ramasser et je sais très bien laquelle. Et c'est ça. Donc, dans le cas présent, ben, Dragon's Crown, c'est un beat'em all. Un peu style Golden Axe avec graphique dessiné à la main comme on a été parlé. Donc, il n'y a pas vraiment de débalancement entre quelqu'un qui joue sur une PS Vita et quelqu'un qui joue sur une PS3, à l'exception que l'écran est plus gros sur un PS3 théoriquement que sur la PS Vita. Donc, il n'y a pas réellement de débalancement et ça peut faire en sorte qu'on va avoir plus de joueurs et plus de possibilités pour jouer. Ah, c'est cool, mais connaissant l'industrie du jeu, ça se peut très bien qu'ils disent « Ouais, mais là... » Si on fait ça, ben là, il y a du monde qui achèteront plus deux versions, une pour jouer PC, une pour jouer avec Louis Amy. Ben, ça irait à l'encontre de la nouvelle mentalité de Sony avec la PS4. Écoute, tu sais comme moi que, comme disait un prophète à une certaine époque, les voies de l'industrie du jeu sont impénétrables. Donc, ça se pourrait très bien qu'ils fassent pareil parce que la cohérence, c'est pas toujours leur fort dans cette industrie-là. Mais bon. Non, c'est sûr. Écoute, avant de continuer et de terminer en nouvelle ludique, M. Castegan, on va aller écouter une autre chanson. Oui. Et ça va être une chanson qui s'appelle Glasses to the Sky et c'est du groupe de la région de Québec, Irish Moutarde. Que j'ai tellement eu... pas prêt. Ah, mais prends ton temps parce que je voulais dire que je les avais vus en show tout de suite après Dropkick Murphy et j'avais préféré Irish Moutarde à Dropkick Murphy. Sans face, Dropkick avait donné un show assez ordinaire, mais Irish Moutarde avait sauvé la soirée et en plus Andrew a eu la chance de les rencontrer parce qu'ils et boire du cidre. Et boire du cidre avec eux parce qu'ils sont venus voir nos amis les deux snooze à leur émission du jeudi soir. Donc c'est grâce à Andrew d'ailleurs qu'on a cette musique-là disponible pour vous. Alors on vous envoie ça dans en fait, c'est grâce à Alexandre. Des deux snooze. Ah, ben merci Alexandre. Qui m'a donné un CD qui a été donné par les Irish Moutarde. Ben merci Alexandre de nous avoir donné ça à puissance maximale. Et justement, on vous envoie ça. Glasses to the Sky d'Irish Moutarde. On va juste rajouter qu'il y a une minute trente de publicité avant la toune. Bon, ben vous entendrez une publicité avant cette chanson qui s'appelle Glasses to the Sky d'Irish Moutarde. Et vous entendez ça à puissance maximale sur les ondes de CJMD 96.9 à Lévis. Vous en voulez? En voilà! La seule station sur la rive sud. Vous aimez ça? Ben en voilà encore! Et ça donne qu'on a les artistes d'ici aussi. La cerise sur le Sunday. Je suis content de mon ouvrage, mon métier, je suis bien payé. Ouais ben, c'est ça, hein. CJMD 96.9, la seule radio sur la rive sud. En semaine, du lundi au jeudi dès 20h, ne manquez pas les Rois du sport avec Valier Roy et ses chroniqueurs. La comptabilité vous donne des maux de tête. Baudry Dawson Service Comptable vous allège la tâche et réduit votre niveau de stress. Tenue de livre, paye ou même transfert électronique, Baudry Dawson s'en occupe pour vous. Baudry Dawson, service comptable, 425 Chemin des Chutes, Saint-Nicolas, 418-836-1881. Work, but well, you sure know how it feels. But playing on stage with my brand new guitar, my complaints don't go very far. What is the truth and what is the lie? Should I shake the hand reaching down from on high? I can only go where my heart tells me to, and that is the best I can do. They may take our jobs away, lead us all astray, doesn't matter anyway. We'll get stronger every day. Raise your glasses to the sky, raise them proud and high. It's a song for you and I. Let us kiss the walls goodbye. It's a song for you and I. Raise your glasses to the sky. It's a song for you and I. They may take our jobs away, lead us all astray, doesn't matter anyway. We'll get stronger every day. Raise your glasses to the sky, raise them proud and high. It's a song for you and I. This is Duke Nukem, and you're listening to Puissance Maximale. Shake it, baby. Et oui, de retour à Puissance Maximale après Glasses to the Sky, La Riche Moutarde et Andrew, une petite nouvelle rapide. Oui, en fait, pour tout fan de jeux d'aventure point and click sur PC, il y avait une série phare à l'époque, je ne parle pas de Monkey Island, mais de Gabriel Knight. Je vous annonce qu'on va voir un remake HD de Gabriel Knight, Sins of the Fathers, qui a été en fait le jeu qui a fait connaître Gabriel Knight. Et il ne passera pas par le crowdfunding ou quoi que ce soit, c'est vraiment Activision qui a contacté le studio pour dire « Regardez, il y a un regain de popularité pour ces jeux-là, voici des bidous et faites le jeu ». Et on parle d'une sortie prévue pour PC, Mac, iPad et Android pour 2014. Hourra! Merci beaucoup, M. Castegan. Et là, mesdames et messieurs, avant de terminer l'émission, on a une grosse nouvelle pour vous. On vous en a parlé au début de l'émission. On a les dates et le lieu. On a trouvé le parchemin. On a trouvé le parchemin magique. En exclusivité. En exclusivité, à puissance maximale, les dates et le lieu de GeekFest Québec. On vous rappelle que c'est une convention généraliste. C'est une façon de le définir. Ouais, c'est ça, qui va vous accueillir pour... C'est un party geek, tout ouais, plein hot. Qui vous présente plein d'activités à saveur geek. Et le tour va se dérouler les 5 et 6 juillet, bien évidemment 2014. Et ça va se passer au Cégep Limoilou, dans la ville de Québec. Donc, quand même assez central, plein de parcours d'autobus qui passent par là. Deux belles dates en plein été. En plus, je dis ça comme ça, là. mais à côté du Cégep Limoilou, il y a une excellente microbrasserie qui s'appelle La Souche. Vous allez pouvoir aller geeker entre amis, puis prendre une petite bière de microbrasserie et un excellent repas en bonne compagnie aussi, direct à côté. Vous ne bougerez pas de là la fin de semaine. Et c'est deux jours, oui, comme vous avez entendu, donc les 5 et 6 juillet, Geekfest Québec, pour tous les geeks de la région, pour avoir une super activité de deux jours entre amis. Évidemment, il y a plein de nouvelles qui s'en viennent. Les invités qui vont être annoncés également au courant, jusqu'au mois de juillet. Jusqu'à la dernière minute, il y aura des invités annoncés. Ça, c'est certain. Et des activités aussi qui vont être annoncées tout au long du développement de la programmation. Et bien évidemment, vous pouvez aller sur Facebook, taper Geekfest en un mot, espace Québec. Et vous allez aimer leur page parce que, hey, en trois jours, C'est pas loin de 3-4 jours, oui. 3-4 jours, 500 likes pour cet événement-là. La preuve qu'il y avait un urgent besoin d'un événement geek digne de ce nom à Québec, dans la région. Donc, on vous invite bien évidemment à aller les encourager. Et c'est déjà la fin, mesdames et messieurs, de Puissance Maximale. Je tiens à remercier M. Andrew Castegan qui est à la console. Merci, Andrew, d'avoir été là, comme à ton habitude. Ça m'a fait plaisir. J'ai même été proactif. J'ai été écrire avec Puissance Maximale sur le mur de Geekfest les dates et dire que Puissance Maximale aurait été le premier à vous l'annoncer, que Geekfest a lieu à ces dates, comme de quoi qu'on est réellement le média officiel pour être au courant des dernières nouvelles sur l'événement. Où vous avez été les plus whiz pour découvrir avec tous les indices. Peut-être. Merci beaucoup, M. Castegan, d'être aussi proactif. Et merci à Marie-Camille Carrier d'être passée dans nos studios. Merci. Ça fait plaisir. Et mon nom est Mickaël Michaud, votre animateur. Toujours content de parler jeu avec vous à chaque semaine. On vous rappelle que Puissance Maximale, c'est un site Internet, le www.puissancemaximale.com. Allez sur notre site, écoutez nos émissions. Et également, allez sur Facebook, aimez Puissance Maximale, tapez notre nom dans la barre de recherche. Vous allez nous trouver très facilement. Allez appuyer sur le bouton « J'aime ». Et faites donc la même chose aussi sur la page Facebook de CJMD 96.9 à Lévis pour encourager votre station locale. Et en même temps, ben, profitez-en donc pour nous appeler là, puis participer. Vous avez un commerce. Profitez-en, appelez les gens, appelez Joey aux ventes à CJMD pour demander comment ça vaut avoir son nom à CJMD pour avoir de la pub. Ça vaut vraiment la peine, appelez-le et écoutez votre station locale, c'est vraiment important. Encouragez-la et partagez-la sur Facebook, bien évidemment, comme vous le faites pour Puissance Maximale, sur Twitter, Facebook. Faites aller la nouvelle que vous avez une station de qualité à Lévis et donc aussi dans la région de Québec. Donc, tout ça pour vous dire, comme à chaque semaine, de passer une excellente semaine de jeu. Get a little harmonica. Woo! I'm sorry. I got my 12-sided die and I'm ready to roll with a wizard and my goblin crew. My friends are coming over to my mom's basement, bringing Funyuns and the Mountain Dew. I got a big broad sword made out of cardboard, and that stereo's a pumping Zeppelin. It's that time of the night, we turn on the black light. Let the dungeons and the dragons begin. It's D&D, fighting with the legends of yore. It's D&D. Never kissed a lady before. Nope. Mm-mm. Woo! All right, take it home. A little solo for it. One more time. Now the Lord of the Rings, the Dark Crystal and things, we use these as a reference tool. And when we put on our cloaks and tell warlock jokes, we're the coolest kids at the school. No, we're not. I know. Now Tack's a real bastard, but a fair dungeon master. He's got hit points and charisma to lend. And I rehearse in my room, or what I call the dragon's tomb, when I'm not out with my girlfriend. It's the end. Whoa. You got a girlfriend? Yeah. Yeah. No. It's the end. Warriors who terrify. It's the end. Virgins till the day we. One, two, three, four, down! Yeah.